Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'épisode 165 de Su Papa Cassette. Yeah! Yeah! Si vous avez vu le petit segment Pierre à feu avec Arthur qui boxe là, puis qui rebondit. Bon, donnez ma droite. Puis Fred qui dit c'est parfait! C'est parfait! J'aime assez ça. Grand classique. Oui, c'est Frank qui est dans le chat qui nous dit c'est les jeudis maintenant. Oui, c'est les jeudis maintenant parce que JF vient travailler ici en après-midi chez Retro MTL le jeudi après-midi et il reste ici jusqu'à ce qu'on fasse le podcast. Ouais, fait que au lieu de faire un voyage mercredi puis un voyage jeudi et puis comme ça il fait un voyage de moins à Montréal puis moi je joue au hockey le mardi. Alors, comme ça, puis je finis très tard dans la nuit à jouer au hockey, mais comme ça, je suis moins scrap le mercredi pour le podcast. Ça me fait une très longue journée de travail parce que je commence super tôt le jeudi pour pouvoir venir en après-midi, pour pas avoir de la job à rattraper de mon autre travail. Là. Exact, exact. Ça fait une longue journée. Ça fait une longue journée. Là. Une à sept, genre je travaille ici quasiment. Là, ouais, ouais, vraiment. Mais voilà, voilà. Première fois que je vois la pub de Mario sur les quatre. Ah ouais, oui. Bah oui, il y a plein de belles pubs là, vraiment hot là-dedans. Exact, pour pas rater les pubs. Donc, bienvenue à l'épisode 165. Donc, on va prendre les numéros du Canadien. 16, dernière légende qu'on a le droit de prendre, ouais. Toe Blake. Ah, Toe Blake, ben oui. Oui, parce qu'on avait Toe Blake, Elmer Lack puis Henri Richard. Je me rappelle plus les deux autres épisodes, c'est qui qu'on avait pris dans là. En tout cas, ils sont faits. Il y a trois numéros 16 qui ont joué pour le Canadien. Et puis, tu peux plus les prendre parce que tous ces numéros-là sont retirés, voilà. Certainement. Alors, ça termine ça. Donc, on y va avec Toe Blake. Et pour le numéro 5, il y en a quand même beaucoup. On va y aller avec l'excellent Rick Green. Rick Green, mais pas que j'avais dans mon livre de Tampa 1987. Ah, ouais, ouais. Là, c'est... Il y en a plusieurs, là, des 5, c'est dommage. Là, mais bon, on va y aller avec Rick Green. On sera dans les 500, on pourrait être beaucoup de 5 en ligne. Là. C'est vrai, on se rendra là. Jamais. Il y a aussi Gerald Didock. Didock. Je me rappelle de ce nom-là, D-I-D-U-C-K. Didock. Mais, ben, écoute. C'était vos joueurs de la NHL pour l'occasion, pour le spectacle. Absolument. J'ai mis mon plus beau gaminet de la NHL, d'ailleurs. En plus. Logo classique. Ben oui. Directement du temps de la renommée de Toronto. C'est... Ah oui, t'as acheté ça chez les Ontariens. C'est là que j'ai envoyé mon image avec mes orteils sur sa photo. Ah oui, c'est ça. Ah, il y a des first-time chat, on va le saluer. Oui. Bruf One. Bonsoir, messieurs. Le switch au jeudi me permet maintenant de vous écouter live. Bon choix à tous. C'est fantastique. Yes. Bienvenue à bord. La crowd jeudi. Hey. Finger Cut est dans la place. Fait que. C'est Frank, comme on disait. Alors, bienvenue à tous. La seule affaire qui est plate, c'est qu'on compétitionne avec le hockey. Le jeudi, souvent. Bon, mais c'était 3-1 pour les Canadiens. 3-1 pour le. Oui. Bolduc et Kapanen, chacun deux buts en deux games. Ouais, exact. C'est-tu pas beau, ça? Puis, on peut faire un petit aparté hockey, oui. Tant qu'à y être. Ben oui, Jeff, t'as été invité à un podcast de hockey. Hier, ben en fait, l'excellent Nick Chalifoux avait gagné des billets pour aller voir le début de saison de La Poire, entre La Poire et le fromage, ça? Oui. Non, ouais. Et ben, c'est un crossover entre ça et Mathias et le Snake hier. Donc, exact. C'est K.O. Sport, c'est Louis Morissette, sa nouvelle, son RZO sportif de podcast. Exactement, là. Exactement. Fait qu'on avait des billets VIP pour aller là, c'était très très petit, très intime. C'était à la brasserie Brasseur de Montréal, exactement, dans Griffintown. Exact. Ouais. Fait que je reviens de là en bixi, me rendre au métro, il faisait fret puis c'était loin. Ben, ça t'a fait gérer tes 5 pains. Ouais, mais ça, on a bu quelques consommations, moi et Nick. On a regardé le podcast entre deux autres. Après ça, on a écouté la game pendant qu'on était là. Donc, tout ce beau monde-là était là. J'ai vu le Snake, on a parlé avec Max Talbot, chic type. Ben oui, absolument. Ça nous a jasé un peu. Puis vous étiez très proches, là, deux autres, là. Parce que vous aviez des sièges VIP, fait que vous étiez collés, là. Ben, c'était comme, c'est gros comme le local ici, quasiment, là, tu sais. Puis il y avait une couple de tables de monde qui avait le droit d'assister, le reste dans l'autre côté. Du bar, là, du resto. Là. Ouais. Donc voilà, c'était bien le fun. Des micros et des caméras de qualité. Oui. Beau setup. Mauvaise acoustique au bar parce que dès qu'il commençait à avoir un peu de monde, on n'entendait plus rien ce qu'il disait. Fait on a un phase-out à un moment donné de ce qu'il disait. Puis des fois, il y avait des jokes. Le Snake assis dans la poussée d'une coupe, ça riait très fort derrière nous autres. Il y avait son fan club qui était là, on dirait. Là. Ah ouais, ben sûrement. Là. Le Snake, c'est un peu une mascotte là, au final. Ouais, c'est là. Ça. Là. Mais il était là, oui. Tout le monde était là. Pag, il était-tu là? Pag? Pag. Le troisième membre de Mathias et le Snake. C'est lui qui fait la technique, ouais, mais là, il n'y avait pas de technique à faire, j'imagine, pour lui. Ben, il était là, là. Oui, mais il était là quand même. Il était là, puis il a été remplacé par le fils de Louis Morissette à un moment donné, qui est venu se joindre au podcast vers la fin. Ouais. Donc, c'était ça. Ils ont fait tirer plein de beaux prix de présence et j'ai gagné. T'as gagné quelque chose? Un pack d'électrolytes, Dom. Wow. De la compagnie BI. Donc, c'est des électrolytes à base de sirop d'érable. Et je dis ça, puis ils nous commanditent pas en tout, là. Non. Mais donc, donné gracieusement par la main de Max Talbot. Mais ça, c'est de la poudre ou. Ça doit être un liquide en gel, vraiment, que tu mélanges avec de l'eau, là. Ah, c'est de la poudre. Ça sonne poudré. Mais, fait que c'est de la poudre. La poudre, on s'en fait des lignes à la table. Hey man, on devrait quasiment. Donc, tu mets ça dans ton breuvage pour le pimper. Tu mets ça avec de l'eau, en fait. Oh, ouais, c'est des électrolytes. Là. C'est juste que sont faits à base de sirop d'érable. Ouais. Donc, ben, c'est un produit québécois. Tu mélanges un sachet à 17 grammes, de 17 grammes à 500 millilitres d'eau. Fait que c'était des genres de Gatorade québécois, fait par Max Talbot et du sirop d'érable. C'est sa compagnie. C'est pour ça qu'il pousse de même. C'est le jersey de ce. Ah ouais, c'est ça. Il niaise pas. Là. Il pousse ça à côté dans les podcasts de poire et fromage et partout. Puis il fait un concours qui en donne pour un an aussi. Bref. Fait que voilà, c'est ce que j'ai gagné. Ben, Chris, c'est merveilleux. Je l'ai pris. Tu pourrais quasiment amener ça au WEG, tu sais, pour les... Ouais, il faudrait peut-être qu'on le fasse au WEG. Le lendemain, là, on pourrait live tester ça. Café, banane, eau hydratée. Faudrait qu'il commandite après ça. Exact. On pourrait le faire. J'aurais dû en prendre un en revenant hier. Ça m'aurait aidé à pas être hangover que le Chris ce matin. Ouais. J'ai l'habitude de boire ça 5 pintes un mercredi, moi, mon ami est vieux. Ah oui, non, c'est dur de boire la semaine. C'est pour ça qu'on est sur l'eau aujourd'hui. Voilà. Ouais, moi aussi, je suis sur l'eau. Avec cet excellent verre de Pac-Man World 2. Écoute, en plus, ça vient. Il y a eu un remake de ce jeu-là, un remaster, je sais pas quoi, puis ça vient de ressortir sur Switch 2. Alors, tu peux t'en prendre une belle copie dans le meilleur magasin de jeux vidéo au monde. Yes! On en a sûrement encore ici. On n'avait pas commandé beaucoup, par contre. L'excellent Retro NDL. Exact. Sinon, moi, en intro, j'ai des petites choses. Premièrement, il y a un auditeur la semaine dernière, j'ai oublié qui, mais qui a été mention. « Hey, qu'est-ce qui arrive avec l'Intellivision Amico? C'est quoi les dernières nouvelles? » disait ça en niaisant. Et puis, il fallait qu'il en parle pour que 3 jours plus tard, je reçoive une infolette de Amico Entertainment, dont un update. Alors, il y a une vente Steam, si vous voulez. Avec les jeux, il y a des jeux en vente. Finnegan Fox et Evil Knievel sont à 34% de discount sur Steam. Sur Steam, OK. Finnegan Fox, ça, c'est Fox and Forest. OK. C'est un jeu de Switch. C'est un jeu qui est indie, qui existe depuis longtemps, qui a une version Switch que j'avais critiqué à Retro Nouveau. Puis ce jeu-là, il vaut quand même très cher là, sur Switch. Là. C'est un peu un jeu de collection. C'est pas bien bon. Là. C'est un genre de Metroidvania. Correct, tu sais. Mais la Amico, dans le fond, ils ont repris ce jeu-là puis ils l'ont renommé Finnegan Fox. Là, c'est très drôle. Puis Evil Knievel, c'est un genre de jeu, il me semble, comme Trials, là, tu sais. De moto qui spin, là. Ouais, fait ça fait du sens, là. Oui. Mais tout ça est sûrement dégueulasse, mais c'est disponible et c'est en rabais. Et sinon, des jeux qui s'en viennent bientôt dans le Amico Home et Nintendo Switch, parce qu'il y a un hub, hein, Amico Home. Ah ouais, OK. Tu peux aller jouer des jeux là-dessus. Ils font ce qu'ils peuvent pour pas mourir. Mais en même temps, c'est ça qu'ils auraient dû faire dès le départ pour financer la machine, tu sais. Ouais. Ils ont fait l'inverse, mais bon. Là, donc, Biplanes, là, ça s'en vient. C'est du dogfight d'avion à hélice, là. Il y a des versus mode pis tout. Graviator. Ah ouais. Je sais pas ce que c'est du tout. J'ai pas regardé. Armor Blitz. Donc, c'est un petit jeu de tanks, j'imagine, qui doit ressembler à Combat et puis Iron Tank et tout ça. Et puis, ça arrête pas là, mesdames et messieurs. Aussi, Cornhole sur Nintendo Switch. Ça, c'était un jeu de poche. OK. Ah ouais. C'est le même en anglais. Cornhole. Jeu de poche en anglais, c'est Cornhole. Puis Evil Knievel est disponible partout encore, il en reparle en effet, Finnegan Fox. Donc, vous pouvez jouer à tout ça, ça existe, mesdames et messieurs. Et pour moi, la chose la plus excitante, puis je l'ai partagée sur ma page Facebook de Papa Cassette, c'est qu'à l'époque que la console était encore pour exister, ils ont créé, puis là, ça commençait à battre de l'aile un peu, il y a besoin de cash, fait qu'ils ont sorti des jeux en physique. Mais en fait, c'est une boîte de jeux, là, puis à l'intérieur, au lieu d'avoir une cartouche Intellivision, t'as un bout de carton en forme de cartouche à la télévision sur lequel il y a un code okay. whatever que tu allais utiliser pour télécharger ouais, le jeu dans ta console Amico. Bien sûr, il n'y a rien de tout ça qui existe au niveau de la console. Ouais, tu peux rien faire avec ce code-là, j'imagine. Ben, puis là, eux autres, ils en ont là, dans leur warehouse là, de ces boîtes-là là, à vendre. Faut qu'ils liquident ça au plus vite. Là, faut qu'ils liquident. Fait que là, ils ont mis ça dans l'infolettre. « Hey, si vous les voulez, on les a! » Puis moi, j'ai regretté à l'époque de ne pas en avoir acheté quasiment. Et lui, il y en a. Il avait acheté le paquet. Ah ouais, OK, OK. Puis là, je suis comme « Tu peux pas jouer avec ça, mais ça demeure quand même un objet de collection. » Tu sais, assez unique et dur à avoir, je ouais, trouve, ouais. parce que c'est extrêmement limité et ça servira jamais à rien. Fait que là, j'ai pull the trigger sur Finnegan Fox, Moon Patrol wow. et Missile Command. C'est malade. Il y avait d'autres jeux, là. Il y a un total de 7-8 jeux. Puis c'est disponible sur eBay, sur le store des Blue Sky Rangers Shop. Parce que les Blue Sky Rangers, c'est de même qu'on nommait les gens qui parlaient, les fondateurs, les premières personnes qui ont travaillé sur l'intellivision. Quelque chose de même, c'est quelque chose, c'est du lore, les Blue Sky Rangers. Puis, ils ont fait un store eBay. Fait que vous pouvez vous acheter ça là-dessus. Quand j'ai acheté mes trois jeux, il restait 8 copies de chacune de ces trois jeux. Fait qu'ils n'en ont pas 400 là, de chaque. Wow. Là. C'est en bas de 10, selon ce qu'ils disent. Ils vont tu pour le FOMO, ils vont en remettre 10 à tous les mois, tu sais, je peut-être, sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, fait que je vais recevoir ça au mois de novembre, je vais vous présenter ça malade, ici, puis ça va être absolument malade. Ça va être sa tablette et ça sortira jamais de là. Exact. Il va falloir que je me retrouve je sais pas si le format ouais. est précisément boîte d'intellivision, parce que les gatefold boîtes d'intellivision, tu sais, qui ouvrent comme un livre, ouais, ouais. Il était un peu plus grosse, okay. plus haute. Mais ceux-là, je ne sais pas ce que c'est, si ça ouvre comme un livre ou quoi que ce soit. Je pense que oui. On va le voir bien assez vite. Ouais, fait que ça va me prendre ça. Milter qui nous raid avec un excellent. Milter. Olivier 888 qui nous fait un beau halo avec toutes les Doritos. De la Dorite partout. C'est très beau. Des lettres mexicaines, la Dorite. C'est plaisant. Je voulais juste dire que Zachary Bolduc vient de scorer. Encore? ça vient de popper dans mon téléphone. Il a failli 3 buts en 2 games. 3 buts en 2 games. Son deuxième but du match. Ça, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'affaire de le Snake là, dans le podcast. Il disait Kapanen. Je sais pas ce que le monde trouve à Kapanen. Il est ordinaire. Il n'arrive pas rien de bon. Il fait le premier but de la saison, Kapanen. Genre, tout le monde dit, bouh, le Snake. dans le bar, c'est drôle. Puis il a scoré à soir. Ah ouais. Ah non, c'est malade. Sûrement sur des belles passes ingénieuses de Demidov. Mais ouais, même moi, vraiment, je pourrais scorer sur des belles passes de Demidov. Ah, sûrement. Je ne sais pas patiner. Il te le montrerait. sinon, c'était tout pour les nouvelles Intellivision. J'espère qu'elle vous a plu. Les nouvelles Amico, en fait, parce qu'Intellivision, on se rappelle, ça appartient à Atari maintenant. Ouais. Atari ont acheté Intellivision. Mais pas l'Amico. quel point ça valait rien. On va tous prendre votre vieux stock, mais pas le nouveau que vous êtes en train de faire. Ça, il barque. C'est drôle. Puis quand est-ce que l'Atari va faire quelque chose avec la télévision? Un moment donné, j'ai hâte en crise de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, parce que là, ils l'ont juste acheté puis l'ont mis sur une tablette, on sait pas, et ça fait un bout, là. Ils pourraient faire des gens d'Intellivision Plus, là, ben, un peu comme l'Atari. Absolument, ça serait insane. Ça serait sur mes tablettes, ça aussi. Ah ouais, moi aussi. Un peu. N'importe quoi, ils ont tous les jeux. Tous les jeux, parce que Intellivision, quand c'était Intellivision Amico, ils ont vendu ouais. certains jeux pour les plus hot. Pour pas mourir. Pour pas mourir, tu sais. Fait qu'Atari, ils ont pas eu ceux-là. Ah, mais en tout cas, c'est-y. On verra bien. Sinon, je suis allé faire un tour au CCJVQ. À un meeting du club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec. Voilà. Alors, c'est pas rien. Ils ont 3 ou 4 meetings par année. Ça se passe au collège André Grasset, ici à Montréal. Et puis, c'est 2 grosses salles pleines de tables et de monde qui vendent des jeux. C'est toute la journée. Alors, j'essaie d'y aller à chaque fois que je suis disponible. Et puis, j'ai acheté des choses. Je vais vous présenter ça dans la section collection. Donc, c'est comme d'habitude. C'est comme pas mal. Beaucoup le même monde aux mêmes places. J'imagine, les tables, tu sais, plus une couple de personnes qui varient de temps en temps. Mais c'est bien que ça existe encore, cet événement-là. C'est... Ah ouais, il y a du monde. Je suis bien content. Puis, ils font sûrement leur petit profit avec ça. Wow. Puis, ça roule. Puis, ça marche. Fait que c'est bien parfait. J'ai beaucoup jasé avec Giz aussi. Ah, Giz, il travaillait sur son full set Super NES. Là. Fait que j'ai essayé de l'aiguiller sur le bon feller, plus dur à trouver et tout ça. Fait que Giz, qui présentement, pour le jeu C'est sérieux, collectionner C'est sérieux, qui est une branche ça, si je peux dire, fait des vidéos pour son full set. Il a commencé un full set Super NES. Okay. Il en est rendu à 8 sur 700. Wow. Fait que puis il fait un vidéo par jeu. Ah, OK. Fait que c'est long. Mais il y a plus que 8 jeux, là, je vous l'annonce en primeur, mais vous deviez vous en douter. Là, mais il est fait un par un, pareil, un vidéo par jeu. C'est une bonne série de vidéos à faire. Ben oui, ouais, c'est là, super. C'est... Là. Puis, mais il met de l'effort là, quand même. Ouais, c'est tout en tête, ces vidéos, là, Guy. Ouais. C'est très impressionnant. Puis avec Laurent, puis l'autre que je connais pas, mais qui font, ils jouent bien la comédie, là, tout ça. C'est très drôle. Ils ont fait un live 24 heures aussi, l'autre fois, je pense que j'ai vu. Là, sur de Twitch, Zelda. Quelque chose, ouais. Fait que, non, c'était bien cool. Et puis, j'ai jasé à d'autres mondes aussi, des auditeurs qui m'ont croisé, avec qui j'ai parlé, puis tout ça. Puis, les gens avaient des bons mots pour notre spectacle, Jean-François. Tant mieux. Merci le monde. Merci tout le monde. Merci de m'avoir adressé la parole. Et merci pour les bons mots. Ça me fait toujours très, très plaisir de discuter. Puis, on prend tout le love qui passe qu'on ne fait pas ça pour l'argent, n'est-ce pas? Non, mais par contre, il faut que je remercie les Patreons cette semaine. J'ai des beaux nouveaux écouteurs professionnels maintenant. C'est vrai. J'ai plus à prendre des écouteurs monoprice qui sont cassés dans le milieu. Puis, j'ai plus à traîner mes écouteurs chez nous qui s'effritaient dans mes oreilles. Hey, j'arrivais chez nous des fois, je m'enlevais du noir, genre de cuirette des oreilles. J'aime là. Ça suffit, là. Ça fait. On a les moyens de se payer ça depuis très longtemps. On pourrait tous en avoir, là. Je sais pas pourquoi on l'a pas fait avant. Parce que je fallait que je regarde puis que je les achète. On oublie, c'est ça, on le fait pas. On s'habitue à la misère. Ben oui. Ben, mes écouteurs étaient quand même corrects, mais je suis allé des traînés, là. Je l'ai pas. Puis ils s'effritent, ils sont vieux, là. Ouais, Chris, on a de l'argent. Ça fait 34 jours que le jeu est sérieux, ils sont en live. T'as à boire, OK? Ah ouais, hein? OK. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, Laurent, il joue plus au démineur, pourtant. Ou ils doivent couper, je suis dehors de quoi, là. Ah, ouais, ben. Bon, Retro Nouveau est live depuis. Allez, bon, Yog Media, ça fait 1200 heures qu'on est live puis, depuis que j'ai redémarré mon ordi. C'est ça. All right. Puis, dernière chose que je voulais. C'est un subaton. Un subaton, hein. Je sais pas ce que c'est. Ils vont nous le dire dans le chat, ouais. Fait que je voulais juste closer l'intro en parlant de EB Games qui ont annoncé. Puis, j'en avais parlé, hein, je pense. Que EB Games allait faire le plus gros magasin nord-américain, ben canadien en fait, parce que c'est canadien EB Games, ça n'appartient plus à GameStop. Un marathon de subs. C'est quoi des subs donc? C'est des subs sur Twitch, là, j'imagine, mais je sais pas qu'est-ce que ça inclut. Je sais pas, là, marathon de subs. En tout cas. On va laisser Olivier continuer son explication. Mais donc, c'est ça, là, j'en avais parlé dans un show précédent. Et puis, ce gros magasin-là va être au centre-ville. Ça va être le plus gros magasin EB Games canadien. Okay. Et puis, on se rappelle que EB Games a été racheté par un Québécois, entre autres. Gars qui est co-actionnaire de McFarlane, c'est ça? Exactement. Ouais, okay. Et il y a d'autres actionnaires dans EB Games, mais lui, il est là-dedans. Puis, il y a Import Dragon. Ça, c'est une grosse compagnie d'import de Bebel. Ils sont bien gros dans les jouets, là, eux autres, là, énormément. Okay. Donc, c'est ça que ça se passe. Puis là, ils ont annoncé dans un communiqué tout ce qu'ils allaient faire et tout ça. Puis, ils vont faire du jeu rétro, apparemment. Okay. C'est écrit à la fin. Tu sais, comme caractère. En deux. Ben, quasiment, tu sais. C'est comme, Puis aussi, on va racheter des cartes, puis on va faire du jeu rétro. Fait que, je veux... Attends, qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Non, ben, il disait que... J'essaie de lire, là, mais dans le fond, un sub est un abonnement à la chaîne Twitch. Mais fait qu'ils sont live pour accumuler des subs. Ouais, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent pas... King Nadera, what's up? Bon, on salue King. Ok. Subaton sur Twitch, le live où chaque nouvel abonnement ajoute du temps au stream. Ok. Le streamer continue tant que le compte à rebours n'atteint pas zéro. Ça fait pour attirer des subs, of course. Ah, c'est cool. Impliquer la communauté, souvent créer des défis au moment spéciaux. Fait que, ok. Fait que dans le fond, tant que les subs rentrent, on est live une heure, là, deux personnes qui subent. On rajoute une heure. Ah, ouais, c'est quand même. C'est des petits télétons. Exact, c'est ça. C'est ce qu'on dit dans le chat. C'est des petits télétons. Des petits télétons pour eux autres. Ah ben, c'est excellent. J'ai pas ce courage, là. Non, c'est ça. Hein? Faudrait que je prenne off. Ouais, faudrait être off un mois pour s'en remettre. Exact. Donc, pour en finir avec EB Games, ils vont faire du jeu rétro, apparemment. Alors, nous, on va suivre ça de très près, bien sûr. Comment ils vont le faire, je ne sais pas. C'est compliqué, là. Tu peux pas... J'ai quasiment envie de faire un test. Je vais prendre plein d'affaires qu'il y a ici. Random, là, des jeux Atari, Xbox, tout mélangé. Couple de jeux de Vectrex. Je vais tout aller domper ça sur le comptoir là-bas puis je vais voir qu'est-ce qu'ils font. Là, t'sais. Parce que ici, si tu fais ça, on l'opère. Ouais. On l'analyse, on le fait puis tu repars avec ton argent immédiatement. T'sais. Puis Epic Games ne donne pas d'argent non plus. Ah, ça va être juste des rabais. Alors peut-être, ouais, ouais. Ben, peut-être qu'ils vont en donner, mais en même temps, je serais très étonné. Et puis, on ne contrôle pas le rachat non plus, au sens que ici, d'un coup, on a racheté un Leto Samson la semaine passée. Okay. Le gars nous écrit le matin. Puis l'après-midi, il venait, puis on lui donnait beaucoup d'argent. Là, ça vaut 3000 piastres, ce jeu-là. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, nous, on est là. On dépense cet argent-là. On sait ce qu'on dépense. T'sais. Mais mettons, tu vois, EB Games, ils peuvent-tu dépenser des flots d'argent immenses? T'sais, le petit gars au comptoir, ben, la personne au comptoir, peux-tu? T'sais, je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire ça. Ouais, ça va être genre un prix unique pour toutes. Ça me surprendrait, le monde n'iront pas porter leur jeu-là s'ils font ça. Il faut que tu aies une valeur. Ouais, ça... Non, tu peux pas dire, tous les jeux NES, on donne 20 piastres. T'sais, n'importe lesquels. Ils peuvent pas non plus bâtir des magasins, dire, hey, on va avoir de l'inventaire de monde qui va venir nous le porter. Genre, c'est pas de même, eux autres qui peuvent partir. Là. Ben, c'est que tu contrôles pas. C'est qu'est-ce ça, que le monde t'amène? T'sais. Là, ils le font dans le jeu récent. T'sais. T'achètes un jeu de PlayStation 5, tu vas le reporter. Et eux... Mais eux autres, on fait du rétro. Si tu PS3 rétro pour eux autres aussi. Ça... Ah, ben, ça devrait être tout, à mon avis. Ouais, là, ouais. T'sais. À voir. Mais peut-être qu'en effet, ils vont exclure t'sais, le PS3 parce que c'est pas assez rétro. Fait que nous autres, on fait juste du 64. Puis, by the way, dans notre liste de rachats en ligne que vous pouvez regarder, on ne rachète que ces 20 jeux-là. Mario Kart, Donkey Kong. Peut-être ça va être ça. Ouais. Mais présentement, c'est le même qui marche. Eux autres, leur liste est en ligne. Là. Si toi, tu veux savoir combien ils donnent pour ton jeu PS5, tu vas sur leur site, tu regardes. Ah, ils donnent 20$ pour mon tel jeu, pour Death Stranding. Puis là, tu y vas. Puis ils donnent ça. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, ouais. Puis ils donnent du crédit tout le temps. Puis c'est pas des milliers de dollars, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Je sais vraiment pas comment ils vont faire ça. On va suivre ça. Mais on va suivre ça en mot à dit. Ça m'inquiète pas, parce qu'on m'en a parlé aussi au CCJVQ. Ah, puis qu'est-ce que tu penses de ça, tu sais. Puis il y a du monde qui m'a écrit, puis qu'est-ce que tu penses de ça, tu sais. Mais je sais vraiment pas comment est-ce qu'ils vont le faire, comment on le fait. Je pense qu'on va demeurer hyper spécialisé ici. Ce que ça peut faire, c'est qu'il y a peut-être du monde qui nous connaissent pas, qui par défaut vont aller chez EB Games avec du PS4, du PS2, puis des affaires qu'on a tout le temps de besoin ici aussi. Mais que là, ils savent pas qu'on existe, puis eux autres vont l'avoir, puis ils vont le racheter, puis nous autres, on l'aura pas. T'sais. Fait qu'on va peut-être perdre du rachat, de roulement. Ouais, ou l'inverse, EB Games ne voudront pas racheter leur jeu, puis ils vont venir les porter ben, ici. Exact, j'ai eu le raisonnement inverse aussi. Peut-être qu'ils vont mal faire les choses, puis là, les gens, ils demeurent avec le besoin de vendre leurs affaires, puis là, ils vont dire où est-ce que je vais, puis là, ils vont chercher, puis ils vont tomber ici. Déjà, EB Games nous envoyait beaucoup de monde, là. Mais là, à cette heure qui rachète, ils n'enverront plus de monde, tu sais. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Là. Milter qui dit genre de voir Dom rentrer au eBay Game avec une fausse moustache puis un accent à discuter de revente de jeux avec le gars de la caisse. Hey, je vais tellement le faire, là. Parce que moi, j'adore ça, faire ça. Le client mystère. Oui, le client mystère. Je vais totalement faire ça. On ira, on va dire qu'on est un couple, puis tout, là. Ça va être malade. Ben oui, ça va être malade, c'est-tu. Je l'ai fait à l'imaginaire, tu sais, pour mes comic books puis mes cartes. Je dis ouais, puis comment vous rachetez ça? Qu'est-ce que vous faites? Je suis curieux de savoir. Okay. Combien vous donnez en pourcentage? Puis je peux-tu te laisser ma boîte au complet? Ouais, t'as toutes les questions, genre. Fingercut, il dit qu'on n'est pas game. On est game, on va se filmer pendant qu'on le fait, en plus. On va direct le faire. Qu'on ira cacher. Mais Hidalgo Kane, dans le chat, qui dit ça va prendre des années pour qu'ils développent leur expertise. Ben, moi, je pense que oui. Puis c'est ce que vous avez ici, c'est l'expertise de ce secteur-là complètement. Là. Exact. Puis, tu sais, nous, on l'a personnellement, mais aussi, on développe ce qu'il faut. Puis d'ailleurs, tu vas nous aider avec ça à pousser ça plus loin. C'est déjà commencé. Ouais. Non, mais avoir le bon système pour être capable de le faire facilement à quiconque travaille ici puis qui connaît absolument rien. D'avoir un système qui est stable puis qui vous permet de grossir sans que ça... Hey, mais qu'on ait 1000 produits de plus dans notre store, tout va péter. Genre, ça sera pas ça. Là. Non, non, c'est ça, exact. Fait que tout ça va être fou raide. Là. Ça va être vraiment bien fait. You have a limited time to earn exclusive emotes. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un hype train! Qu'est-ce que c'est donc un hype train? Il faut que le monde subscribe genre pendant 5 minutes. Puis ça. C'est quelqu'un qui a lancé ça, un hype train? Je sais pas. GF avec un monocle, un chapeau haute forme et une canne qui discute de jeux de luxe. Ah ouais, je pense que c'est quand sur. Parce qu'en haut, il y a quelqu'un qui a subscribe pour genre 5 mois. Là. Ok. Ou ma souris. Ah oui, je l'ai vu. Il y a un code de subscribe pour 5 mois tier 1, fait que ça appartient à un hype train de 31%. Oh yeah! Merci, Finger, pour le hype train. Bon, on va laisser aller le petit train. Ah, ça va, ok. Chris, c'est malade. Ah, il s'en passe-tu des affaires? Un jour, je comprendrai Twitch. C'est lui qui comprend le temps. Ou ça, ou bien on va commettre le suicide au Porto, là, quand on va être. On parle de Twitch trop vieux. La semaine passée, puis dernier show, je vais leur faire encore ce soir. Oh shit, là. Oh my god, Olivier 888, il nous donne. To C-Book, il a envoyé un tier à quelqu'un. On était à 62% du hype train en ce moment là. Chris. Non, mais au dernier épisode à la fin, j'ai fait un raid puis j'ai envoyé tout le monde sur Young Media voir les archives de Rétro Nouveau, donc je ferai ça encore ce soir, à moins que les gens dans le chat aient des streamers live qui veulent qu'on fasse un raid vert. Tant qu'à dropper, nous le, dirons, monde, tant qu'à dropper le monde à 10h, genre, allez écouter les archives, c'est encore nous autres qui jasent. Exact. Bon, ben absolument, s'il n'y a personne, vous pouvez faire ça. Ou si vous voulez qu'on vous garoche chez des gens. C'est ça, là. Je sais pas qui, Fred, s'il est live, Talbot. Exact, on peut faire ça, là. King Troll TV. Connais-tu King Troll TV? Non, il est sur YouTube un peu ici et là. J'aime bien son contenu. Je sais pas s'il est sur Twitch, par contre. J'en écoute pas de peu ou pas d'affaires sur Twitch. Mais quand même, le gars, il collectionne, puis il fait des reviews, puis game chase. Fred est live. Non, en plus, ouais, je sais. Ouais, on sait qu'il est live, il nous l'avait dit. On était... On se jase. On essaie de pas s'empiéter, mais des fois, c'est ça. On n'a pas le choix. Pas le choix. En effet. Fait que c'est tout pour l'intro. Alors, moi, vous tenir à jour très certainement sur mes observations de ce qui se passe avec EB Games. Exact. Donc, voilà. Alors, je vais vous présenter des belles choses dans le segment collection qu'il n'y a pas chez EB Games présentement. Exact. C'est bon, ça? Ça, c'est du vieux ordinateur. Ouais. Là. Alors... King Nadera, c'est Fred qui est live un soir, qui d'habitude non, parce qu'il y avait un jeu à tester, c'est ce qu'il nous a dit. Ouais, c'est ça, il fallait qu'il sorte de sa routine. Mais écoutez, c'est la vie, hein, tout ça est disponible en différé aussi. Là, ouais, autant Fred que nous, là, tout le monde est en différé. Là. Exact. 95 triangle de métal, finger cut. Oh my god. c'est vrai, c'est un triangle de métal. Un moment donné, pour vrai, faudrait prendre le temps de faire les emotes pour le channel, pour le monde qui subscribe, pour avoir des trucs gratuits, là. Bacon or Die. Bacon or Die qui aime bien la toune de Megaman en background. Et là, on est sur Shantae. Oui. Alors, on est dans la section collection du spectacle. Et puis, au dernier épisode, j'ai critiqué Shantae, je demandais aux gens, c'est quoi la vraie version de Shantae Advance Risky Revolution, qui est ce jeu de Game Boy Advance qui avait été commencé d'être développé à l'époque, mis sur pause, et que Limited Run ont poussé pour finir le développement, avec WayForward, bien sûr. Alors, et tout le monde s'entendait pour dire que la version GBA, c'était la vraie. Ouais, ouais. Puis j'étais quand même un peu d'accord, c'est un jeu de GBA, il y a une sortie physique de GBA, c'est GBA. Et tout ça va exister sur toutes les autres plateformes aussi, Switch et tout. Mais je pense, puis je prendrai même pas Switch, je vais comme... Ça, c'est la vraie affaire, là, pour moi. Là, je suis d'accord, pour vrai, là, parce que c'est un jeu de GBA, là, anyway. Là. Exactement. Puis, il me semble que... Ah oui, c'est ça, je parle de ça. Que Kevin, dans le chat, dans le Discord, le hub, section Papa Cassette, Kevin, qui écoute les épisodes en différé, donne beaucoup de commentaires. Il toujours deux semaines en retard, puis là, deux semaines après. Plein de comments. Exactement. Toujours apprécié. Il y aurait des affaires de plus là, sur la version GBA, puis quand tu joues sa pocket, c'est la vraie affaire. Par contre, ça sauvegarde pas, ça chie à cause de ça. Mais bref, c'est un très beau petit package, apparemment. Kevin aussi et Michael m'ont remis à ma place en disant, parce qu'on parle beaucoup des Game Key Cards, puis j'arrête pas de dire c'est la même affaire pour PlayStation, parce qu'il n'y a rien sur le disque, et puis c'est juste une affaire pour débarrer le download. Mais en fait, c'est l'inverse à ce qu'ils me disent. Pas mal, la totalité du jeu est sur le disque, puis tu unlocks le restant, j'imagine. Ben, les patchs qui n'étaient pas disponibles quand ils ont printé le jeu. Ouais, ça, il y a ça. Là, par c'est l'affaire que moi, je trouve, c'est que c'est quand même weird. Ben, c'est pas weird, là, mais genre, mettons un jeu de lutte là, que tu sors, tu le mets dans ta machine, tu as 90 gigs d'update jour 1. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait avant de le lancer? Il était pas prêt, là, genre? Ouais, mais c'est ça qui arrive. Mais il doit se jouer sans toutes les mises à jour, puis les patchs, puis tout ça. Là. Mais là, c'est parce que tu te donnes un paquet d'affaires, puis de ressources, puis d'assets. Là. Mais moi, mettons, je m'achète un jeu de PlayStation 5 demain, là, je le mets dans ma machine. Il est supposé partir. Drette demain. Là. Posé. Immédiatement. Si tu as le disque, il se pose. J'ai pas besoin d'attendre rien. Là. Ça se peut qu'il installe sur ta machine de quoi du disque pour qu'il parte après, mais oui, normalement, tu devrais pouvoir jouer avec. Là. OK. Parce que moi, j'étais sous l'impression que c'était jamais possible de faire ça. Ah, oh, ça serait stupide, ça, là. OK. Bon. Ben écoute, il est jamais trop tard pour apprendre. Voilà. Alors, merci. Si c'était pas ça, on se fera remettre à notre place encore. Exact. Puis là, il y a quelqu'un qui a communiqué avec nous aussi pour nous vendre sa collection personnelle. Et puis, il y a dans sa collection un Shantae, le premier, complet en boîte. Puis ça, c'est une affaire que je convoite férocement. Alors, j'espère vraiment qu'on va s'entendre puis que ça va marcher. Deuxième jeu. J'en ai une coupe aujourd'hui. Hein. Oh, là, on s'en va à Nintendo Switch avec Mario Galaxy 1 et Mario Galaxy 2, ça, la compilation que tout le monde attendait, capotait, qui a eu des millions de précommandes. Puis le monde a juste précommandé après ça en magasin. Okay. On a ben trop aussi. Okay. Le monde en achète pas. On est lâché ici. Fait que, ben, si tu peux nous en acheter un, ça ferait plaisir. Ben, ça va se rendre. On en a assez pour jusqu'à Noël. Disons. Ah, ben, correct. Fait que, on va être correct avec ça. Il y a bien du monde qui sont en colère, Jean-François, sur le prix de ça. Oui, je sais. J'ai vu la colère et la grogne en ligne. Exact. Mais moi, je trouve. Non justifié, selon moi. Là. Ben, 50$ par jeu. Est-ce que le monde aurait chialé à 50$ si t'avais eu Galaxy 1 tout seul, mettons? D'après moi, non. Le monde n'aurait pas chialé. Ben, non, je pense pas, en effet. C'est carrément les deux jeux à 50$ chaque. Puis quand t'es achète version Wii, ces jeux-là, c'est à peu près ça. Que c'est un peu moins. Là, t'es en remaster. Mais si tu vas chez E-Site, là, t'es achète chez RetroMTL, les deux jeux sont à peu près ça, tu sais, pour un total qui s'approche de 100$, mettons. Là. Je me rappelle plus par cœur, là. C'est peut-être. Je me rappelle plus si Galaxy a peut-être droppé vu que. Ah, maintenant, ouais, tout le monde, tu sais. Mais bref, les vrais jeux, c'est presque ça le prix. Puis ça, c'est des jeux que tu peux jouer sur ta Switch, t'es bien. Exact. Puis en plus, tu peux upgrade pour... il me semble, j'avais entendu ça, là, que tu peux upgrade pour ta Switch 2 en plus. Ah, ouais, c'est bien correct, là. C'est bien correct. Puis il y a bien du monde dont... C'est le range de prix des jeux, anyway, à Star. Toi, t'es rendu 90-100$, fait Mais okay. Moi, c'est ça. Tout le monde dit ça. Ah, là, c'est juste des remakes. Ça coûte cher. Voyons des jeux qui sont déjà sortis. C'est pas juste des remakes qu'ils font. Là. Il y a d'autres jeux qui sont pas. Achète-les pas si tu veux pas le remake. Exact. Mais ils l'achètent pareil. Ah ouais, ben, ça... Achète-les ici. Meilleur magasin en ville. En tout cas, man, moi, je. Meilleur magasin en ville. Finger Cut, je suis sur Xbox. La majorité des téléchargements et où doit s'installer. Rares sont les jeux qui sont 100% gravés sur le disque. Il y avait un commentaire au-dessus des jeux d'avance à la sortie. Tu dois redownloader la patch day one souvent aussi grosse que le jeu. C'est ça que je disais. C'est ça qui me fuck, moi, là-dedans. Tu sais, rendu au final. En tout cas, c'est des patchs. Donc, c'est quand même pour corriger patchs, le jeu. C'est pas un code qui donne le jeu. C'est que tu as des immenses patchs. Ça veut dire que le jeu que tu as dans la boîte, il est probablement super buggé, peut-être. Là. Exact. Ce que tu achètes, c'est un jeu brisé, pas fini. Je pense pas que c'est brisé. Ben, pas brisé, mais pas fini. Fini. Ben, la patch, t'as vu. Ah, oh, oui, là, c'est ça. Tu mais t'es pas obligé de la prendre. Non, mais ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi les problèmes si t'en prends pas, là. Exact. Jean-Gabriel qui dit que le monde sont en colère, mais souvent, c'est pas pour eux. Ils l'ont sur Wii ou le 3D All-Stars. Mais souvent, c'est pas pour eux. OK, ils l'ont déjà. Le monde qui chiale, c'est le monde qui l'achèterait pas, anyway, parce qu'ils l'ont déjà ailleurs, puis ça fait juste chialer. Comme le monde qui chasse Montréal, qui vient genre... Qui viennent pas de Montréal. De région, là. Comme moi tantôt. Oh, les parkings, ils risquent... Quand je suis arrivé, là. Ah, absolument, c'est ça. Tu es en train de devenir un gars qui chialeux de parking. Non, je voulais juste que je perdais du temps, que je pourrais vous biler à tourner en rond, là. C'est vrai. Mais d'ailleurs, parlant de parking, les élections municipales s'en viennent et je suis ça avec grand intérêt. Ouais. Et puis, je corrige mes intentions de vote ici et là avec ce que je vois. Et puis, c'est intéressant. Moi, ça s'éclaire de mon bord. Là. Ben, à Longueuil, Catherine Fournier, là, c'est... Ouais, c'est excellente. Là. C'est rien à changer, là. Exactement. Ici, à Montréal, tout est à changer, par contre, apparemment. Fait que j'ai hâte de voir ça. Donc, oui, 100$ pour cette excellente compilation. Ah, il y a Kinedera qui dit que sur Xbox, tu peux pas l'installer... Le jeu part pas si t'as pas installé l'update. Fait que si c'est sur internet puis il détecte qu'il y a une update, faut que t'ailles prendre l'update sinon ils veulent pas. Comme il dit, tu déconnectes ta console. C'est un peu de la merde rendu là. Fingercut qui dit les deux Mario sur Wii valent 90 chez RetroMTL. Donc parce que le Galaxy 2 il vaut plus là, quand même. On en a nettement moins souvent. Donc alors tu vois, c'est 20$ pour 10$ de plus. Là c'est la Switch remasterisée. Easy peasy dans ta nouvelle machine. T'as pas à te sortir ta Wii pour jouer à ça. Exactement. Fait que Chris, voilà. Prochain jeu. Oui, ça va être Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate sur Switch. Les Turtles. À 55 tomates. Et puis ça, ça vient, si t'achètes ça chez RetroMTL, ça inclut 10 cartes de Casey Jones and the Junkyard Jam. Et puis un artbook. Ah, il y a du contenu là-dedans, mon ami. Alors, si vous vous demandez c'est quoi ce jeu-là, j'ai joué au chalet avec l'animateur de Chussou Fait que je review et Martine. Et puis, il s'agit d'un... Voyez ça comme un Hades, mais de Turtles. Donc, carrément ça. Là. Tu peux jouer jusqu'à 4 et puis tu fais niveau par niveau. Puis hey, tu slash cool, comme ça. Puis, ça, c'était-tu bon? Ben oui, c'était bon. On a eu du gros. Bon, ouais. On a eu pas mal plus de fun qu'on pensait. Là. Pour ça, je m'en suis pris une copie d'ailleurs. Et puis entre chaque niveau, ben justement, là, tu choisis ton upgrade, ton ci, ton ça, puis tu essaies de progresser jusqu'à finir le jeu. Donc, c'est carrément Hades. D'ailleurs, Hades 2 s'en vient. Donc, c'est un style à la mode, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça me le prenait. C'est un bon achat. Il en reste chez Retro MTL. Alors, gâtez-vous de ça si vous aimez Hades. Ben et oui, je le rappelle, ça joue jusqu'à 4. Donc, c'est très plaisant à jouer. Un bon jeu de Wex. Ah, totalement. Ouais. Totalement. Prochain jeu, je vais rester dans le Switch. Ouais, vas-y. Avec Eldorand. Donc, qui serait un Metroidvania. J'ai payé ça 20$ au CCJVQ. Donc, bon prix. Je l'avais raté à la sortie. On ne l'a pas commandé. Je pense si je serais trop MTL ou peut-être peu, là, je ne me rappelle pas. Ça doit faire un petit bout. Mais je n'avais pas vraiment porté attention. Et puis, j'ai vu des gens le critiquer sur la page Facebook, finir des cassettes. Et il me semble que c'est là que j'avais vu ça. Alors, si vous finissez des jeux et vous aimez en parler, allez sur cette page-là. Exact. C'est moi le admin avec tes roues, est-ce-tu? J'avoue que c'est toi qui es admin de ça, ouais. Ah oh, ouais, il m'aide avec ça. Ben, on fait rien, là, en fait. Ouais. Ça s'auto-gère, là. Non, mais il n'y a pas de marge sur ce groupe-là. Non, c'est un groupe, puis il se rajoute du monde continuellement, là, et puis c'est super propre comme groupe. Donc, Eldorand, je m'ai essayé ça. Là, pour 20$, j'étais game de faire le move. Fait que voilà. Maintenant. Avec quoi j'irais donc? Vas-y comme tu veux. Puis... Ouais, je vais y aller avec un autre jeu du CCJV. Il s'agit en fait de boîte et livret de Kirby's Pinball Land. Kirby. Donc, c'est un jeu de pinball. Il y a Oui, oui. Puis il y avait eu un Mario Pinball Land sur Game Boy Advance. Ouais, puis sûrement basé là-dessus. C'était dur à jouer, il me semble, là, ce jeu-là. Exact. Je l'avais même critiqué. Je pense que ça allait trop nouveau. Puis ça fait très longtemps de ça. En fait, je pense que c'est quand c'était une discussion de toi puis Bruno chez vous dans le décor brun à table. Puis moi, je filmais alentour. Là, puis je tournais devant. Ça se peut très bien. C'est dans bien. Ce coin-là, je me rappelle, me semble. Ça se peut très bien. Il a l'air bien. Non, ah ouais, man, il est mint, là. Regardez, ça vient aussi avec tout. Oh, wow. Tout le gréement. Tout. Le petit holder en plastique ici. Ah, là, j'ai un petit case moins beau. La poche de Game Boy, mettre vos gears de Game Boy. Exactement. Un petit pamphlet comme ça pour mettre tout ton gréement Game Boy. Alors, coin coupant, très, très, très, très propre. Le gars, il l'avait complet en boîte. J'ai dit, peux-tu garder la cassette puis me faire un deal? Alors, on s'est entendu pour 70$ pour cette boîte et livret. Donc, je trouve que c'est très bien. Et en plus, c'est le dernier qui me manquait en boîte au Game Boy. J'ai Kirby Dream Land 1, Kirby Dream Land 2, Kirby Blocks Ball, qui est un Breaker, qui est quand même pas mal bon. Puis, j'avais pas celui-là en boîte. Maintenant, j'ai les 4, alors je ferai une belle photo de ça un vendredi soir avec une bonne bière. Ben oui, ben oui. Puis, je vous montrerai toute la beauté de Kirby. Kirby. Fingercut qui dit, en passant, merci pour ma commande Retro MTL à matin. Ah ouais, hein? Qu'est-ce que t'as acheté un matin? C'est moi qui ai fait le shipping en plus. On va aller voir certainement. Là, c'est mon téléphone ici. Moi, je peux tout voir vos beaux noms quand je regarde les. C'est vrai, JF a accès à toute la database. Ouais, je suis master de la database. JF aussi, il sait qu'est-ce que Fingercut. Je peux aller voir tout ça. Exact. On sait où est-ce que vous habitez. C'est vrai. Je pourrais le voir, ça, c'est vrai. Ouais, mais on s'en sac. Ouais, on n'a pas le temps. En plus. Du Xbox qui dit. Ah ouais, hein? Du Xbox OG de ce matin. Excusez, j'échappe ma boîte de Kirby. Juste la tasse. Alors, il me reste deux affaires. Oui. Ah, le jeu des Simpsons. Ouais, je l'ai emballé dans du beau papier craft brun, bien serré dans une 864. Ça va se rendre à bon port. Ça va arriver en bon état. Très belle copie. Papier craft? Oui, on utilise du papier craft. On a du papier bulle, mais des fois, on a du papier brun. Là, pas du papier pour se l'essuyer les mains. Là. Du papier de shipping. Là. Pas de papier de Kraft Dinner. Non plus. Là. Des vieux sachets de Kraft Dinner pour l'enlever. Fait que, oui. Il en reste deux, je pense. Il en reste deux. Alors là, on continue avec des acquisitions du CJVQ. Ici, il s'agit de River Raid à l'Atari 2600. Que j'ai scellé comme ces nœuds là. C'est sorti de même de l'usine. Et puis. Le design de la pochette ressemble au gameplay, c'est bien. Ah oui, oui, non, c'est absolument magnifique. Et puis, c'est, j'ai payé ça un simple 30$ quand même. Quand cher. Même, ouais. Et puis, le seal, il est beau, il n'est pas perforé, ni rien. Et puis, moi, bien sûr, je possède déjà tous les jeux Atari d'Activision complets en boîte et j'en ai plusieurs scellés. Okay. Et puis, j'ai la présence d'esprit de lister ça. Ainsi, je sais qu'est-ce qui est scellé ou pas dans ma collection. Okay. Puis, je savais que j'ai appris que celui-là n'était pas scellé. Puis là, quand j'ai vu qu'il était propre de même. Puis des fois, quand des jeux Atari, ça fait tellement longtemps qu'ils sont scellés, c'est que ça fait un « seal crush », comme on appelle la boîte, elle se fait écraser par le scellant, puis parce que ça respire pas. Fait que ça écrase la boîte, tu sais. C'est moins le fun. Mais celui-là, il l'est pas, tu sais. Il est parfait, parfait, parfait, là. Donc, je pense que ça vaut quand même... Dans cet état-là, ça c'est vaut quand même pas mal plus, à mon avis, là. Puis, si vous avez vu un story que j'ai fait cette semaine, je lis présentement un livre Atari. Ouais, ouais. Que j'avais présenté sur ma page Facebook. Puis d'ailleurs, c'est une femme qui a programmé, qui a créé puis programmé, qui a tout fait River Raid, Carol Shaw. Alors, c'est merveilleux. Femme de l'industrie, on la salue. Puis c'est un tour de force là, qu'elle a fait pour River Raid. C'est vraiment intéressant. C'est très brillant ce qu'elle a fait. Puis c'est un très bon jeu Atari 2600. Des fois, on nous pose des questions. C'est quoi les bons jeux? Ça, c'en est un très bon. Jean-Gabriel qui dit « Moi aussi, j'ai commandé des shmups sur Switch avec un beau manuel de Firepower 2000 cet après-midi. » Ah oui, ben oui, j'ai vu ça passer d'ailleurs. J'ai vu ta commande passer. Merci hein, pour ta commande parce qu'aujourd'hui, c'est pas une grosse journée. On aime ça quand nos jeudis sont gros. Aujourd'hui, c'est plus tranquille. Mais étrangement, on a eu un gros mercredi. Fait que, dernier jeu, Atari 2600 et non le moindre. Mon Dieu! Mon doux Seigneur, qu'est-ce que cette chose? Il s'agit de Seahawk. Donc, ça, c'est un bootleg Zellers de Atari 2600. Donc, comme j'en ai si souvent parlé, j'ai fait un article sur RDS, jeux vidéo dans le temps et tout. Zellers, à un moment donné, ont pris la liberté de prendre n'importe quel ROM de jeu, de crisser ça dans des cassettes, puis de prendre n'importe quel label, puis de réappeler ça n'importe comment, et de faire des jeux avec ça. Et de mettre ça dans des boîtes rouges comme ça, en utilisant la fonte officielle Atari pour le texte. Mais ils ont juste appelé ça 2600 compatible, pour pas qu'ils n'ont pas appelé ça Atari non plus, mais on sait. Puis là, en arrière, il y a juste un fucking repeat, tu sais, de l'image, puis that's it. Puis j'ai fait une publication sur ma page Facebook aussi dernièrement par rapport à l'illustration du bootleg Zellers Challenge avec l'image de Ghostbusters dessus. Ouais. Fait qu'une très belle histoire. Alors, il fallait que j'en parle pour qu'il y ait un autre jeu comme ça qui arrive dans mon radar. J'essaie bien sûr, j'ai tout le set Zellers, mais j'essaie de le faire complet en boîte. Alors, j'en ajoute un de plus ici, payé 50$, et je dirais que tu vas sur Price Charting, c'est 100$, mais tu sais, c'est pas des vraies données, là, tu sais. Fait que moi, pour ce genre d'affaires-là, c'est à peu près ce que je suis prêt à mettre 50$ là, pour une boîte rouge comme c'est ça. Raisonnable, ouais. C'est raisonnable, puis il manque le livret aussi, qui est juste un petit feuillet blanc. Petit bonhomme qui tombe en parachute. Ouais, en fait, c'est le jeu lui-même. C'est un vrai jeu qui existe, là. Je me rappelle plus lequel. Ils font juste baiter des jeux comme ça, puis that's it, là. Fait que, attends, c'est quoi le jeu? Ah oui, c'est un jeu de jet fait par Frogo. C'est Hawk, quelque chose Hawk. En tout cas, ils sont pas loin, là. Ça a du sens. T'sais, c'est pas Farmer Dan avec Plaque Attack comme illustration. Farmer Dan? Non, c'est ça. Ils sont pas loin, là, là-dedans, là. Et puis, c'est David Richard, un auditeur qui a vu ma publication par rapport à Challenge, qui a écrit « Hey, j'en ai, si ça t'intéresse. » Puis là, j'ai vu qu'il y avait ça. Alors, on s'est entendu sur un prix. Puis il est venu ici chez Retro MTL pour me l'apporter, me le vendre en personne. Et puis, pour me demander conseil pour des idées de business qu'il y avait. Alors, j'ai pris le temps de jaser un petit peu avec lui. Puis, ça m'a fait bien plaisir. Alors, merci beaucoup de t'être déplacé, David. Très apprécié. Un chic type. Un chic type. Et on lui souhaite bonne chance pour sa business, auquel je crois. Parce que je ne sais pas s'il veut que j'en parle. Je vais juste dire que c'est intéressant et je pense qu'il y a un marché. Ah, cette toune-là, là. Ah. J'aime assez ça. On l'écoute. C'est un jeu de Jaguar. Jaguar. De course de char de Jaguar. Ah, okay. Sur PC. Non, même pas. Ils l'ont fait sur d'autres consoles. Je me dis rien. Mais écoute comment c'est planant. Man, si tu savais comment j'aime ça, ça vient me chercher. Je sais pas pourquoi. C'est juste planant correct, là. Puis, Ah, c'est smooth. Ouais, grosse musique avec Madeira. Ah ouais, c'est d'ailleurs, bon. Je rappelle à tout le monde, si vous voulez les soundtracks, vous pouvez aller sur la page YouTube de Retro Nouveau. Il y a une section avec des playlists, que c'est les tracks qu'on utilise pour le... Ah ouais, hein. Le jeu depuis des années qui sont là. Fait que vous pouvez écouter ça en travaillant, en faisant l'amour, comme vous voulez. Ben oui, absolument. Ça va vous aider dans tous les cas. Dans votre travail, dans l'amour. Et, oui. Vous allez être très performant partout. Là. Exactement. Très focus. Puis... Oui. Fade out. Surtout avec cette toune de Jaguar. Surtout ça. C'est Michael qui m'a fait découvrir ça. C'est lui qui l'a mis. En fait, c'est des soundtracks faits par Michael. Ouais. Puis, oui, il faudrait qu'on écoute ça au WEG pour chiller un moment donné. Ah oh ouais, il faudrait que ça joue dans en piscine, background. Là, dans le background. Là, dans, avec le... dans le gros spa, là. Fait que là, on s'en va en critique, JF. Oui. Puis toi, t'as deux critiques. Ouais, elles seront brèves. Une qui sera très brève, mais je n'ai deux aujourd'hui à te parler d'Hum. Allons-y avec la première. Mamoru Kun Recurse, développé par CD Connection. Et publié par Clear River Games, disponible sur toutes. Donc, ça, Dom, Mamoru Kun Recurse, c'est un remaster du jeu Mamoru Kun Curse. Oui. Sorti en 2008-2009, je crois, sur à l'arcade, en fait. Et a été porté après ça sur Xbox 360 et PS3 avec des add-ons. Il y avait un nouveau monde, genre Netherland, quelque chose. Il y avait plus de DLC. Donc ça, c'est la version remasterisée, widescreen, avec tous les DLC et tout ça. Donc pour ça, Recurse ou The Curse. Donc, c'est un shoot'em up japonais. C'est très, très japonais. Ça donne de l'air. J'ai juste, parenthèse, à souligner que ta fiche technique était parfaite. Les espacements. Non, mais j'ai compris maintenant qu'on va aller voir, mais je me trompe plus. Là. Puis quand je repogne les archives, je regarde des fiches, des fois, je suis comme oh, non, ah, ah genre... non! Ah oh, oh, non! Fait que, ouais, donc, comme je dis, c'est un. À la base, c'est un shmup vertical, donc un écran vertical, oui. À défilement manuel. Ouais. Donc, la particularité de ce jeu, c'est que c'est pas le stage qui avance, c'est toi qui décides quand tu avances. Comme commando. À la base, les contrôles de ce jeu-là, c'était un stick puis trois boutons de tir. Donc, tu peux tirer vers le haut et vers les côtés. Ouais. Et tu avais un bouton de bombe. Là, ils ont rajouté un mode twin stick. Fait que ça, c'est fantastique. Mais ça fait que le jeu, je trouve, est moins un shmup et plus un run and, pas un run and gun, mais un twin stick shooter là, que tu te promènes. Là. Ouais. Puis je trouve que ça va beaucoup mieux en twin stick. C'est difficile là, avec les boutons. Puis juste et tu le donnes le bon contrôle classique, si tu veux. Tu peux l'avoir. Ah, c'est vrai, tu l'as mis dans ton arcade. Ouais, puis au début, je comprenais rien parce que j'ai essayé de faire le twin stick, puis ça ne marchait pas avec stick 2, player 2. Fait que là, je vais mettre les boutons, mais je me dis, OK, c'est un peu difficile. Là. Donc voilà. C'est un peu, tu sais, manga japonais d'inspiration. Là. C'est très, très. Très plein de couleurs, là, et plein de japonaises qui crient. Là. Oui, on s'y habitue. Exact. Là. Donc, là-dedans, t'as plusieurs modes. Bon, t'as un mode arcade, dans le fond, que tu peux jouer la version arcade du temps, là, vraiment en mode tête là, verticale avec des side panels sur le côté. Il y a un mode Nether... je me rappelle jamais du nom. Netherland, quelque chose. Là. Donc, ça, c'est un genre de... C'est un mode pour faire des défis, dans le fond. Là. C'est que chaque niveau a plusieurs petits tableaux dedans. Faut que t'y battes pour... essayer d'avoir le plus de high score possible. Et comment ça marche dans ce jeu-là, dans le fond, c'est que chaque mode va avoir... tes vies, c'est des bonhommes, en fait. Puis quand tu commences... Tes vies, c'est les bonhommes? Chaque... À chaque personnage. Au début, tu choisis, mettons, dans le mode histoire qu'on voit là. Qu'on voit là. On voit les personnages en haut à gauche. Ouais, mais c'est tout, je veux dire, histoire ou l'autre, c'est tout le même affaire en bout de ligne. Là. Okay, tu fais rejouer le même tableau, là, mais tu vas choisir 5 personnages qui vont être ton crew. Que tu peux alterner pendant que t'es en train de jouer parce que chaque personnage va avoir une attaque différente donc le pattern des balles va changer. Ouais. Il y a une affaire qui est cool, c'est quand t'arrives en mode arcade, quand tu overlays sur les bonhommes pour les choisir, dans le bas, ils te montrent c'est quoi le type de spread qu'ils ont, le type de gun, puis ça te dit quel genre de joueur t'es pour prendre ça. Genre, si t'es un novice, prends ça, si t'es un expert, prends les balles plus difficiles, fait que ça, c'est cool. Ok. T'arrives dans le mode histoire, il y a pas cette petite vignette-là en bas. Pourquoi c'est pas là? Mais bon. C'est quand même très beau, mais il y a une affaire. Les assets sont là. Ben, c'est beau, ça, mais... C'est beau, y puis ça ne l'est pas. Il y a quoi off, quelque part? Ben, ça a l'air d'être des vieux assets. Tu sais, on dirait que le... C'est du, on dirait un jeu mobile, quasiment. Là. Ben, c'est de l'époque... C'est 2009, là, quand même, tu dis. Ouais, 2009, là. Ça fait... Ils ont quand même remasterisé les assets, mais ils sont pas super beaux. Mais ouais. C'est quand même correct, là. L'affaire qui me gossait un peu aussi, c'est... Ah ouais, on est maintenant disponible en widescreen. OK, mais il y a rien ces côtés, là. Genre, tu dis... Tu peux pas plus jouer ses côtés parce que t'as plus d'espace. C'est juste qu'il supporte le widescreen, mais tu vois pas. genre, le tableau changera pas, va pas être différent du jeu principal, tu vas juste en avoir plus large, là. Mais là, mettons, ils ont dû compenser ça en créant. Non, je pense qu'on regarde présentement. De ce que j'ai essayé du mode tête verticale par rapport à cela, il n'y avait pas rien de nouveau. Là. C'est juste qu'ils supportent le wide. Fait que c'est ça. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois présentement à l'écran, il y a des, mettons, des toits de chaque côté. Ouais. C'est-tu une invention? Non, c'est là dans pour le jeu. Pour remplir aussi. L'écran. C'est là dans le jeu parce que. Okay. Il y a une particularité aussi, c'est que c'est pas un chemin droit. Tu peux aller vers des pattes, vers la gauche, la droite. Ah, OK. Donc, ça donne juste que tu as plus d'espace de voir ce qui se passe en ce moment-là. OK. Mais c'est très bien, puis ça joue très bien. Au début, c'est quand même pas très difficile. Ça vient assez difficile rapidement. Ça vient très bulletel à un moment donné. Là. Vers la fin, là, il y a des balles partout, puis c'est top. Puis c'est comme on parle souvent, là, les corridors, les petits... Ouais. Tu regardes, là, puis tu... OK, là... Tu fais juste regarder des corridors. Corridors où tu wave un petit peu, là. Exactement. Des petites airs de Pokken Rocky japonais colorés. Exactement, il y avait 2-3 jeux qui ressemblaient un peu à ça, là, dont ouais. Pokken Rocky là, et tout ça. T'as seulement une attaque dans ce jeu-là par bonhomme, sauf qu'il y a une particularité, c'est qu'eux autres, leur twist, c'est qu'il y a une affaire qui s'appelle les Curse Bullets. Donc, t'as deux choix. Tu peux lancer une petite boulette faible ou forte. La faible, ce que ça fait, c'est que ça va lancer un rond à terre devant toi. Et si tu vas dessus, tu te mets à lancer des balles rouges très très grosses, très puissantes pour buter tout le monde. Mais si t'as un ennemi qui rentre dans ce cercle-là, l'ennemi se met à tourner. Genre, le cercle tourne, puis ça te lance des balles vers toi. Ah ben, Chris. Fait que l'ennemi devient plus difficile, mais va donner beaucoup plus de points pour faire des high scores si t'es quelqu'un qui cherche à faire des high scores. T'sais. Ah, c'est intéressant. C'est un beau mix. Ouais. Puis si tu gardes ton doigt foncé, avant de lancer, t'as une ligne rouge, un genre de laser qui va apparaître, puis ça te dit où est-ce que tu lances. Puis ça fait une grosse fireball genre, qui wipe à peu près tout. Là. OK. Et aussi, on le voit, là, les power-ups servent à wiper les balles quand il y en a trop. Là. OK. Ça sert que à ça, les power-ups. Non, ben ça sert aussi à tuer les ennemis, là. Non, mais il n'y a pas des power-ups, des upgrades de balles. Il n'y a pas d'upgrade, il n'y a pas de power-up spécial. Ouais, c'est ça. T'as ton équipe, t'as ce que t'as, puis that's it, là. Puis c'est Curse Bullet, là. Ouais. Voilà. Y a-tu toujours des continues? Tu recommences au niveau où t'es rendu. Avec 3 vies, là? Avec 5 vies. Ben, 5 bonhommes. Au début du niveau. Au début du niveau, ouais. As-tu réussi à le finir? Non, je me rends loin, mais c'est difficile. Ouais, enfin, ça doit être rendu vraiment fun. J'ai beaucoup de fun, par exemple, mais c'est très dur, là, parce que, genre, c'est pas comme un schmop que crédit. Là. Tu meurs, faut que tu recommences, tu le fasses du début, là. Ah, faut que tu l'apprennes. Faut que tu le maîtrises. Fait que je m'en viens bon, mais c'est sûr, je vais le finir, là. On le voit là en bas, check. Ouais, les types de balles avec shot type, là. Fait que t'y vois, là. Ouais. La variété est quand même bonne, des fois, puis il y a des. Puis le fait que tu puisses changer de bonhomme sur le fly aussi, ça peut t'aider dépendamment de ce que tu vas avoir comme ennemi qui va être devant toi, là. Ben, c'est ça. À force de recommencer aussi, tu le sais, là, tu choisis le bon bonhomme au bon moment, là. Je sais pas si c'est-tu inspiré des mangas. Y a-tu une mythologie en arrière de ça? Je suis pas certain. Parce qu'ils ont beaucoup de personnalités, les bonhommes, quand tu regardes, là. C'est dur à dire si vraiment... Ouais, on dirait que ça vient de quelque part, en effet, là. J'ai pas fait les recherches approfondies à ce niveau-là, mais c'est ça, là. C'est pas mal, ça. Écoute, ben. C'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu pour vrai. J'avais jamais vu ça, j'avais jamais entendu parler de ça en fait, là. La version originale avait été faite par la compagnie G-Rev qui avait codé ça. Et ça, c'était des arcades au Japon. Ouais, c'est ça. Puis c'est développé par City Connection. Donc, qui étrangement, on voit souvent. On entend souvent parler ici. Ben, c'est souvent les mêmes développeurs publiers qu'on soit. Ouais, c'est Clear River pour la version physique. C'est les mêmes gens. En fait, c'est. C'est Overload qui nous a envoyé ça directement. Donc, l'excellente Gabrielle Hebbard, on la salue. Ils sont bien gentils, les gens chez Overload. Mais comme je dis, Overload détienne plein d'autres affaires, compartiments. Donc, Limited Run. C'est toujours City Connection. C'est un très bon port. Là. J'ai rien à dire sur le port parce que c'est le. C'est dur à critiquer parce que tu peux pas. Faut que tu critiques le jeu original, mais c'est un port du jeu original. Fait que le jeu original est quand même ce qu'il était. Qui est quand même très bien, je trouve. Là, j'ai joué aussi à la version tête, puis j'ai eu du fun autant dans les deux. Mais vraiment, là, je trouve que le Twin Stick vient t'amener vraiment une coche de plus de contrôle puis de l'attitude sur comment tu vas pouvoir jouer à ce jeu-là. Là. Oui. Bon, des coffres, des affaires qui donnent des vies, des trucs un peu cachés. Tu peux aller dans des petits raccoins des fois. Là, comme là, tu vas à droite, tu vas un chemin secondaire. Là, tu ouais, c'est ça. Fait que c'est bien. Là, c'est un bel ajout. C'est un bel ajout, puis ça aide beaucoup de le défilement manuel de choisir où est-ce que tu t'en vas là. Fait que ça donne une bonne rejouabilité là, parce que tu peux refaire les tableaux de différentes manières pour essayer de trouver s'il y a des passages qui te facilitent la vie. Donc on voit, tu vois, c'est ça pour moi, c'est pas bulletel encore, Ça commence à l'être. Mais à la fin, là, c'est genre c'est 5-6 fois ça. Là, t'es comme, oh shit. Là, tu vois le, genre, le gros big bro. Ça, c'est quand tu le lances puis tu le pognes, c'est ça qui te donne. Ah, puis il reste collé sur toi, le cercle. Le cercle reste collé sur toi. Tu mets le pied dedans. Là, c'est des curse bullets. Fait que la personne qui rentre dans le curse va pogner le curse. Fait que c'est soit toi, soit l'ennemi qui pogne le curse. Ok, c'est ça la gimmick. Fait que ça, mais tu sais, puis si je le disais, c'est qu'il y en a qui le font vraiment pour les high score, mais. À un moment donné, ça devient tricky de comme, OK, il y a tellement de monde, faut que je lance ça pour m'aider, mais si tu lances trop loin ou t'es pas à bonne place, c'est l'ennemi qui le pogne, là, t'es dans la merde. Peux-tu le mettre sur un boss pour que le boss le pogne et qu'il soit bien plus dur, genre? Ben, le boss, il est pas bien plus dur, c'est juste qu'il va te lancer plus de bullets parce qu'il va lancer des bullets. Ben oui, tu peux le faire, là. Ah ouais, hein? Okay. Parce qu'au début, c'est ce que j'avais compris quand je jouais. Moi, j'étais comme, c'est des curse bullets, fait que je lance un curse à un ennemi, puis il est capable, ben, j'étais comme, pourquoi il me renvoie autant de balles? Ben, il fait que j'allais, j'étais comme, OK. Parce que t'as le choix de le faire sur l'ennemi ou sur toi-même. Là, ouais, c'est ça. Donc, voilà. C'est très coloré, c'est très beau. La bonne musique, pour vrai, là, c'est japonais. Là, japonais très rythmé, là, c'est super bien, là, pour vrai. J'ai eu du plaisir à ce beau petit jeu. Ben, excellent. Combien de pommes? Pour toutes ces raisons, je vais donner un 3 pommes et demi. Oui. C'est très bien. C'est ce que je pensais que t'allais donner. Ça réinvente pas rien. Ben, le fait que ça soit. Les Curse Bullets, c'est un bel ajout. Ouais. Fait je veux dire, ça réinvente pas rien. Oui, ça réinvente quand même un peu parce que c'est rare les shmups qui ont ce genre d'affaires-là dedans. Là, Puis qu'il y a des pattes aussi un peu. Il y a des pattes que tu contrôles où est-ce que tu t'en vas. C'est pas l'écran qui te pousse vers le haut tout le temps. C'est quand même bien. Là, mais c'est semi-shmup, semi. On dirait que je le mettrais quasiment plus. Vu que c'est pas sur rail, on dirait que je le mettrais Twin Stick plus que ça. Dès que j'ai pogné les Twin Stick, je suis moqué, mais ça se contrôle comme genre. Enter the Gungeon, genre, ou Smash TV, ce genre de jeu-là aussi. Là, fait. Exact. Mais tu peux pas tirer en arrière, fait. T'as un 180. Ouais. Tu peux pas reculer ton écran non plus. Fait que quand t'avances, tu peux revenir. Vu que tu peux pas tirer dans tous les sens, puis marcher. T'as un 180 devant toi. C'est shmup, ouais. C'est un mélange. C'est vraiment un mélange. Intéressant. Le genre de jeu serait dur à définir dans celle-là. Des jokes d'affaires. Des affaires internes. Plus tard. Des dossiers internes. Des dossiers internes. Et voilà. Deuxième jeu, Dom. Et pour ce jeu, je me permets de ramener quelque chose que j'ai dépoussiéré. Des boulamites. Oh shit. Parce que j'avais besoin de voir cette image. Donc, je vous amène dans GF Chrome, dans Personne VR. Ben oui. Parce que c'est une œuvre d'art, cette image-là. Là, ben, c'est tellement. Fait que quand je vais vous parler de VR, ben je vais vous ramener ça ici, là, cette belle image de moi. Quelle époque, ça? C'était-tu dans ton condo? Oui, c'est le Vive. C'est avant le Valve Index. C'est dans les premiers. Je me rappelle que Bruno, on le voit ici. C'est mon garde-robe en arrière. Là. Bruno m'a pris en photo, puis c'est lui qui avait fait ça. Ah ouais, c'est Bruno qui avait créé le panneau complet. Ah non, c'est vraiment... Cette image-là était cœur. Hein, ah ouais, t'as bien, ramène ça. Ouais, fait que là, quand ce sera du VR, ben, ça sera ça. Là. Donc, ce soir, ce sera VR et Mixed Reality. Donc, je vous parle du jeu... Table Troopers, développé par Cosmorama Technologies et publié par Cosmorama, disponible sur le Meta Quest 3. C'est un jeu qui m'a été gracieusement offert par l'excellent Eric Hébert. Oh! Parce que moi et Eric, depuis un bout qu'on se parle, qu'il faut qu'on explore le VR ensemble. Puis finalement, on a réussi à trouver du temps et à faire quelque chose. Donc, on a joué à ça pendant une bonne heure et demie, jusqu'à temps qu'on détruise nos batteries de nos casques, les deux. Genre, il me reste 2%, faut qu'on quitte. Ok, bye! On a eu bien du plaisir, donc... Tu sais, souvent, quand je parle de VR, je vais dire, c'est tel jeu en VR. Ouais. Donc ça, c'est Worms en VR. Exact. C'est ce que je croyais après avoir vu, là. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Worms, donc c'est un jeu d'ordinateur, là, 2D flat, où est-ce que tu as un décor avec des petits vers de terre qui vont tomber, puis tu as des équipes. Oui. Puis il faut que tu bombardes l'autre équipe, puis il faut que tu réussisses à survivre. Disponible sur bien les consoles. C'est une franchise. Oui, c'est une franchise Worms. C'est très, très connu. Là. Exact. Donc, c'est la même chose, mais en VR. Donc, tu arrives là et puis tu peux jouer tout seul. Tu as un mode campagne, donc tu peux le faire tout seul. Ou tu peux aller jouer en multiplayer jusqu'à 4 personnes, si je me souviens bien. Va prendre avantage des avatars de MetaQuest. OK. Donc, tu peux dessiner tes qui, là, la personne que tu es là. C'est toi qui décides dans le méta, c'est quoi ton avatar. Ah. Le mien, t'as pas. Eric avait le sien qui y ressemblait beaucoup. Moi, je suis une grande femme noire parce que j'avais pas fait de la mienne, j'avais oublié. C'est mon fond intérieur. Ouais, c'est moi qui est une grande femme noire. Ben, t'es grand. Il y a une femme noire à l'intérieur. C'est ça. C'est pour ça que je fais des comme ça. Là. Mais non, c'est ça. Fait que donc, t'as une table ronde devant toi qui va apparaître. Et je dis qu'il y avait du mixed reality parce que tu peux le faire dans un environnement VR complètement. Ou tu peux aussi être dans ton pass-through, dans ton salon. La table apparaît devant toi. Ah, l'autre personne est devant toi, live, genre en avatar dans ton salon. Plus besoin de sortir, Sty. C'est ça. Tu joues avec du monde direct dans ton salon. Mais pour vrai. Fait que c'est un genre de... C'est un table game dans ce cas-ci, donc rond. Tu peux tourner la table avec une manivelle en arrière pour tourner. Et tes bonhommes, t'as des choix différents types de personnages. Fait que des fois, c'est des saucisses, des hot dogs de même. Ça peut être des poulets. C'est, ça dépend de ton team, là. Différents types de niveaux aussi. Donc, tu vas pouvoir aller choisir des tableaux faciles, plus difficiles. Ouais. Le décor se brise aussi avec les différentes armes. Donc... Ben, c'est ça, Worms. Hein? C'est péter le décor, faire tomber les... Donc, tu vas avoir deux tours par bonhomme, puis c'est en alternance. Donc, quelqu'un, un bonhomme, deux tours, puis à chaque fois que tu. C'est ton tour, c'est un bonhomme en particulier que tu vas pouvoir jouer. Comme dans Worms, tu peux pas aller choisir lequel tu vas exécuter une action. Fait qu'ils les font en rotation. Puis quand tu l'as, tu peux bouger ton bonhomme. Tu peux aller ramasser des affaires qui tombent. Il y a des fois, il y a des boîtes qui vont tomber en parachute sur le deck. Ou tu peux aller choisir dans tes armes et attaquer ton ennemi. Tu vas avoir des fusils, des grenades, sortes d'affaires. Puis quand t'es rendu à tirer, c'est comme un slingshot. Faut que t'aies derrière ton bonhomme, puis tu tires, genre. Fait que là, il va y avoir une genre de curve ou une ligne droite rouge qui va apparaître. Fait que là, faut que tu vises manuellement où est-ce que tu vas l'envoyer. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est cool. Puis par-dessus ça, t'as une rose des vents en haut qui tourne. Puis des fois, genre, le vent est très fort vers le nord, mettons. Mais là, si tu lances vers là, ta bolette ou ton affaire va dévier là, vraiment. Il y a un gros impact sur le vent là-dedans. Okay. Ça rend ça vraiment intéressant. Là. Puis c'est cool parce que, vous savez qu'Éric, les bonhommes, quand t'es, mettons, tu lances une bombe sur le bonhomme qui est sur le bord, il peut tomber en dehors du board. Ouais. Il est sur le plancher à terre pendant que tu joues. Il reste là. Là, j'étais comme, hey Éric, check ça. Puis là, genre, Éric, physiquement, je le vois s'en venir à côté de moi. Puis on était les deux à côté de l'autre pour regarder un bonhomme à terre. Puis j'étais comme, my god, genre, c'est donc fucked up. Genre. Ça soit rendu là. Oh oui. C'est immersif total. Là. Mais c'est-tu dur de vivre le 3D de ça? Tu sais, j'ai regardé les gars jouer à Worm bien en masse au WEG et puis on voit l'écran. Là, tu sais, mais là, t'es comme. Faut que tu tournes la table. Ben, c'est l'analyse du jeu. Non, parce que la table. L'analyse de ton move, qu'est-ce que tu vas faire? Non, parce que la table est pas si grosse. Puis tu peux pas aller non plus garocher de quoi à l'autre bout, à moins de faire genre un shot que tu dis, genre, je me croise les doigts, puis j'espère que ça arrive. Là. Ouais. Puis ça, tu t'as pas un temps limite pour faire ton action. Fait que t'as le temps de te tourner à la table, de regarder, de te promener. Puis tu peux aussi aller voir quand l'autre il fait son action. Toi, tu peux te promener à l'entour de la table, aller voir qu'est-ce que lui okay, fait. Ok, en attendant. Ouais. Mais, puis Eric, tu sais, Eric étant Eric. Je suis dans le milieu, je me prépare à tirer. Eric, il met sa face genre dans le board, là, carrément, pour me bloquer. Fait que c'était très drôle. On a eu bien du fun, là. C'est ça. C'est Worms en VR. C'est très, très bon pour vrai. C'est là. Totalement Worms. À 4, pas, vas-tu faire poursuivre ce monde-là? C'est-tu? Ben non, là, c'est un concept seulement. Là, c'est pas... Bon, puis t'as des armes spéciales. T'as une bombe de gaz qui va faire qu'il y a du gaz qui va émaner. Tu peux monter des murs aussi pour te cacher un peu. Ouais. C'est très très bien pour vrai là. J'ai eu bien du plaisir avec Eric à jouer à ça. Puis je le recommande fortement à tout le monde. C'est un excellent jeu. Eric me disait qu'il voudrait partir une ligue de ça si on voulait. Moi j'ai dit ça puis Walkabout Mini Golf là, on pourrait se faire des ligues de VR d'affaires là. Ça, c'est sûr que ça se ferait là. Mais non, 13$ sur le Oculus Store là, le store de Meta. Je pense qu'il est pas officiellement release encore, ou il vient peut-être d'être release ou il est en early access là, mais c'est assez complet pour que je le recommande fortement, là, ce jeu-là. Là. À ce prix-là, c'est donné. On serait fous de s'en passer. Ah, ouais. Donc, je rappelle à tout le monde, ça s'appelle Table Troopers. C'est un excellent jeu. Avec toutes ces raisons, je vais donner un 4 pommes d'homme sur 5. Un gros 4 pommes. Jouer à ça, c'est super bon. Mm-hmm. C'est en VR, ça prend avantage du mixed reality très bien. Là, donc, très le fun. Excellent. Voilà. Excellent. De retour dans le VR, c'est merveilleux. Ben oui, de temps en temps, là. Prochaine fois, je vais faire une rotation genre VR, Pico 8, Playdate, Ordi. Puis là, je vais faire, et quand j'aurai des cas de la compagnie parapluie là, qui tombent dessus, je vais y prendre dessus. Des cas de la compagnie parapluie. Ah oui, ben j'en refuse certaines affaires aussi quand même parce qu'il y en envoie beaucoup. Puis c'est pas tous les jeux que je trouve que tu sais, sont ben, faut ont l'air intéressants. Ouais, faut que ça notre style aussi. Puis ça fit notre niche un peu en effet. Le temps manque des fois. Mais ouais, quand c'est des shmups, c'est sûr que je les fais. Là, tout le temps, bien du plaisir à jouer à des shmups. Exact. Ben moi aussi, je te refile. Tout ce qui n'est pas sur Switch de base là, t'sais. Ou quand je sens que j'aurais pas le temps ou quelque chose, puis ça ben c'était le fun, tu pouvais le mettre direct sur ton arcade. Fait que à la semaine passée je me suis rendu avec mon gars au level 71 de Bubble à l'arcade. Ah ouais, hein? 71, mais comment, mais il y a tout le temps des vies, tu vois. Ouais, mais tu okay, il était brûlé là, rendu. Non, mais à la fin t'es dans un 71 72, t'es comme dans un corridor pris là, faut que tu fasses une bulle puis tu montes puis avec le joystick j'étais pas capable. Ok. Puis je m'allais fesser l'écran, je suis comme là, on arrête là. Mais mon gars, il dit, hey, t'es-tu sonné un petit peu, mais on peut continuer un petit peu encore, puis on a arrêté. On était rendu loin, 71 là. Ah, ben, il est fin. Ça me fait penser à mon gars quand il continuait. Mais il aimait ça. Pour me faire plaisir. Il aime ça parce que c'est simple. C'est juste lance des bulles, pète des bulles, puis il trouvait ça très drôle. Ramasse des burgers, puis des gros diamants. C'est tellement accessible. D'ailleurs, il y a un nouveau Bubble Bubble qui s'en vient en précommande chez Retro MTL. On a eu zéro précommande. Mais moi, je vais l'acheter. Mais je l'ai mis sur mon arcade. J'ai mis Bubble Bubble 2. J'ai mis Puzzle Bubble 1 à 4. J'ai tout mis ça. Là, sur... Ah oui. Ben tout là, il y a un, c'est un vrai nouveau. Là. C'est un Rogue. Un Rogue Bubble Bubble. Là, tu sais, ouais. Ça, labyrinthe, okay. Rogue, Bubble, Candy, machin. Là, OK. Je sais pas si ça va être bon, là, mais... À voir, là. Bon, mais l'acheter, parce qu'il faut que je les achète toutes. Ben oui, pas le choix. Fait un vrai rétro nouveau. C'est vrai. On est rendu à question du public. Encore une fois, l'excellente musique. Ah oui, je me rappelle plus c'est quel schmuck, ça. Je me rappelle plus. Mais c'est très bon. C'est vrai que t'es ça en chambre maintenant au studio pour le podcast. Ben, tout se peut, c'est disponible. Là, on a beaucoup de questions. On commence sur Instagram. Toujours. Là, on a de plus en plus. Parce qu'on commence, on commence toujours sur Instagram. Fait que on y va avec John. Le jour où il y aura égal les questions, on va se faire une roulette, là. Genre, puis on va tourner au hasard les questions. Là. C'est vrai, on pourrait. Mais oui, puis par rapport à ça, au dernier show, là, il était rendu genre 11h-20, là, tu sais, puis il restait des questions encore, ouais, il me semble. On est en train de mourir, nous autres. On allait mourir, puis aujourd'hui, on est très fatigués aussi, puis on veut... On va faire notre possible. Prenez le pas personnel, pour vrai, si votre question n'est pas répondue, c'est juste que j'essaye de toutes les faire le plus possible, puis à un moment donné, on a juste on est brûlé. Alors, si on n'a pas fait votre question, puis vous êtes triste... Et vous voulez vraiment qu'on la fasse, reposez-la la semaine d'après, et puis elle va sûrement se refaire faire. Là. Ou écrivez au début de votre question, Encore, genre, ouais. Quelque chose, là, tu sais, encore, ou mettez une étoile ou mettez un point, comme ça, je vais voir que c'est une question du passé. Là, tout le monde va en mettre un, fait que là, mais on va s'en rendre compte. Si c'est on switchera aux appels du public à la place. On devrait revenir sur ce podcast vendredi prochain, on va peut-être l'essayer. Vous revenez? Là? On est supposé, c'est unofficiel, là, j'attends la confirmation de tout le monde, mais on devrait revenir vendredi prochain. Full crew, là. Ma lettre sera pas là avant décembre, s'il est en décembre. Fait que les autres sont là. Nick, Dave, Mark et Alex ont dit qu'elle allait être là probablement. Fait que c'est presque c'est full crew. C'est un semi-full crew. Là. Il manque ma lettre, c'est tout. Là. Excellent. Fait que ça sera ça. Il y aura peut-être des petits changements au niveau de la structure du show. OK. Le gars qui fait le show a pas eu plus le goût de ramasser les audios. Puis c'est long. Fait que je trouve qu'on crash un peu dans ce temps-là. Là. On fait écouter des audios. Fait que c'est plate pour l'auditeur, je trouve. Fait que je veux qu'on ramène des discussions. Là. OK. Ben, c'est parfait. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, vous êtes de plus en plus populaire et qu'il y a de plus en plus de questions. Ben oui. Ah ben, peut-être. En effet. Ben, écoute, on y va. On allons-y, plonge. Ici. Sur Instagram avec John W. et Niel. Vous pensez quoi du move de McDavid de descendre son salaire pour en laisser plus à l'équipe pour mieux l'entourer? Moi, est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'il y a aussi un calcul à faire. Selon le Snake. Et puis, moi, c'est le Snake. Et puis... Il y avait un code de Cray hier. Là. Ah, c'est malade. Non, mais que McDavid, ouais, il est mieux de signer un plus court contrat maintenant parce que au timing de la fin de ce contrat-là, il va être encore à l'apogée. Tu sais, ouais, puis là, ouais, il va vouloir signer un vraiment plus long contrat pour se peut-être rendre ailleurs, à la fin de sa carrière. Peut-être qu'il veut... Ouais, peut-être qu'il regarde ailleurs. Ils sont pas en reconstruction, là, mais il va peut-être pas voir les moves qui s'en viennent. Là. Mais moi, je la trouve weird, cette équipe-là, des Oilers, man. Ils ont rien... Mais ils ont du power à l'attaque, tu sais, mais gardien, défense, ils ont un moyen, mais non. Puis je comprends pas que cette équipe-là se rende tout le temps loin. Parce que les Leafs, c'est un peu aussi bien du punch à l'attaque, mais ils se rendent jamais bien loin non plus. Ils se rendent pas loin, mais les Oilers, ils se rendent loin, tu sais, mais c'est ça, c'est étrange. Fait que je sais pas. Mais est-ce qu'il a fait ça vraiment pour aider? Il est-tu en amour avec Edmonton, lui? Je pense pas non plus, tu sais, mais... En tout cas, fait que moi je trouve que 2 ans pour tu sais, peut-être crisser son camp après, c'est un bon calcul. À combien il a descendu? J'ai pas vu les chiffres là. En effet, mais. Il a pas pris une drop de 8 millions par année là, sûrement. Là, fait que c'est... Ben, il me semble que dans le dernier podcast du Snake, quand il parlait de ça, il avait laissé quand même une couple de millions sur la table. Là, mais, s'il aime la ville, c'est tout à son honneur. Sinon, c'est comme tu dis, c'est probablement un move de comme dans 2 ans, je recheck comme il faut pour aller ailleurs, peut-être. Ouais, là, c'est ça. Je pense qu'il aurait laissé un 7 millions sur la table, là, que j'ai entendu. OK. Il aurait dit. Puis il était bien que sa femme Edmonton. OK. Ouais. Bon, ben écoute, ben je le crois aussi. Il est parké là depuis un bout. Bon, ouais. Ville plate, mais bon. suis correct. Edmonton. C'est le Bible Belt canadien. Plus qu'à Gary, je pense, qu'Edmonton. Le Bible Belt. Il y a beaucoup de Québécois aussi à Edmonton, le francophone. Ouais. Bon, ben écoute, fait que tant mieux. En tout cas, ça continue de rouler. Tant mieux pour les gens d'Edmonton. T'as le beau jeu. Salut, guys. Vous semblez avoir des journées bien remplies. Au travers de votre vie professionnelle de gaming et de famille, où trouvez-vous le temps de faire vos tâches ménagères, bon, repas et réno? C'est ça qui me... Hey, moi, là, mon évier de cuisine est bouché, c'ti, en ce moment. Là. Ah ouais, hein? Là, je fais comme, oh, tabarnak, un autre affaire, là. Moi, j'ai... c'est Joe, petit Joe, ouais, qui m'a appris à déboucher les éviers. Moi, avec la pompe à toilette. Ouais, je l'ai fait aussi, donc, mais ça débouche pas. Ça n'a pas marché, assez, hein? J'ai acheté la longue tige de métal. Ouais, un fish. Mais tu sais, ça fait ça de même, là. J'ai de la misère à la passer. C'était tantôt, il fallait que je gosse, là, mais je vais le faire chez nous, là. As-tu essayé Drano et non, l'autre produit plus hardcore? C'est là que je m'en vais. Là. J'ai essayé bicarbonate de soude avec du sel et du vinaigre là, pour que ça a moussé, mais ça n'a rien débouché. Il y a des petites bulles. Il doit y avoir un bouchon de bouffe quelque part qui est pris. Là. Mm-hmm. Mais ouais, le next step, c'est le Drano et tout ça. Là. Exact. Pas le goût de payer 600$ à un plombier pour ça. Là. Non, tu es capable de faire ça. Gosse un peu. Là, gosse un peu. Là. Tu vas y arriver, là, en effet. Là. Puis moi, là, sérieux, la pompe à toilette, là, j'ai beaucoup. Là, ah, là, mais... je pompais, puis ça... Pompe à toilette cheap. Là. Il faudrait que j'en pogne une que tu sais, t'as le truc dedans, t'as un plus petit. Là, qui c'est ouais, ça que j'ai pas. Là, qu'il faudrait que j'aille pogner. Là. Ouais, ça te prend ça. C'est ça. À un moment donné, ça te prend des vraies affaires. Dégueulasse. Genre, ben, pas dégueulasse, mais genre, elle était belle, il y avait des couleurs, mais c'est juste le vieux bang. Là, puis c'est pas très efficace. Tu le mets, puis ça glisse partout. c'est de la vidange. Exact. Non, faut s'équiper. Et puis, quand est-ce qu'on fait ça, man? C'est au détriment des autres affaires. C'est pas genre. Faut que je fasse mon gaming, puis entre les deux, tu sais, comme... Non, c'est l'inverse. S'il faut que je fasse des rénaux, des tâches, ben c'est ça qui vient en premier, tu sais, tout le temps. Mais moi, c'est vaisselle matin en me levant. Moi, je déjeune, puis je fais de la vaisselle. Okay. Non, mais j'en fais aussi le soir, puis ouais, j'en fais ici. Moi, je fais de la vaisselle, mon sans gars, arrêt. Si tu savais, sans arrêt, c'est-tu que j'en fais de la vaisselle? Puis c'est tout ça, c'est tout le temps. C'est ponctué à travers de ma vie, la vaisselle, le pliage, la cour, toutes les affaires. Sans là. Arrêt, là aussi. Là, mettons, il va falloir que j'aille réparer le robinet de ma locataire en haut, qu'il est débarqué. Là, genre, fait que je vais sûrement aller là dimanche après-midi, donc ça va être ça, tu sais. Donc, ces affaires-là viennent en premier dans la liste. J'ai beaucoup de listes papier, moi aussi. Là, comme, oh, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, puis je fais des. J'ai barré, j'aime ça, là, un après l'autre. Clac, clac, clac, ça s'est fait. Exact. Puis ouais, moi, la vaisselle, puis juste ranger la cuisine, c'est le soir que mon gars se couche, mettons. Puis moi, quand j'ai pas mon gars, c'est là que tout se fait aussi, là, c'est... Ouais. Ça se fait plus vite, même, encore. Ouais, qu'est-ce que oui. Quand il est pas là. En général, là, genre, samedi matin, je vais aller faire mon épicerie, puis dimanche matin, je peux faire ma bouffe de la semaine. Là. C'est mon pattern. Nous autres aussi, le dimanche après-midi, là, à partir de 3h, là, c'est pas mal fini. Là. Après ça, on prep la semaine. C'est ma blonde qui a pas les idées repas en tête, puis à son grand désespoir, tannée. Hey, j'essaie de pas d'apnée de dire des choses, mais bon. Mon gars mange pas ses lunchs. Ouais. C'est, tout est compliqué. Ah, nous autres, les lunchs, tout ça roule. Non, tout ça occupe là, 80%. On a de l'air de bien gamer, là, puis tout, mais Chris, c'est les tâches ménagères qui prennent toute la place. Ça prend tout le temps toute la place, puis quand il y a d'autres temps, ben c'est les autres affaires. Exact. Porter_JWC. En vendez-vous des Wii Fit? J'ai dû mettre ma planche avec les jeux à donner pour enfin m'en débarrasser. Donc, je l'ai vu une fois toute pleine. Exact. J'ai encore la mienne chez nous. Ben, j'ai fait un petit story aussi avec cette image. Je l'ai posté dans le chat des chummies, mais j'ai fait un story aussi à Retro MTL pour montrer une pile d'à peu près 20-25 Wii Fit Balance Board. Parce que nous autres, le monde nous en amène quand même beaucoup. Puis ça s'accumule. T'sais, pour vrai, on les paye peu ou pas. Oh, là, t'sais, puis le monde sont comme, moi, je veux plus ça. Là, je veux plus ça. C'est un bon accessoire. Là, ils les laissent ici. Puis là, il y en a plusieurs qui sont defects ou complètement dégueulasses. Fait qu'on les met de côté pour l'éco-centre. Mais on en vend. On en vend quand même quelques-uns par mois. Là, t'sais. Ouais. Fait que ça vaut la peine des traiter. Alors, on les traite. Puis des fois, ils sont en boîte. Fait qu'on fait tout ça. Ah, ouais, ouais. Fait qu'une fois de temps en temps, quand il n'y a plus de place ici en haut, dans la place où est-ce qu'on les empile, ben là, on en process une batch puis on en vend. Fait que oui, on en vend. Tu sais, c'est ça. Puis ceux-là qui sont vraiment dégueux, on... Ils tiennent les portes. Ouais, ils tiennent des affaires ou ils servent de d'autres choses. Là. De riser pour mes écrans d'ordi. Là. Exactement. Pour vrai, oui, ça sert à des affaires de même. Mr. Juice, pissez-vous debout ou bien assis? Si vous pissez assis, êtes-vous game de le faire dans un lieu public? C'est des bonnes questions. Pissez assis dans un lieu public? Ben, moi, jamais dans un lieu public, je pisserais assis. Ben tu peux... Comment être assis? Genre, derrière un arbre, puis te mettre assis? Non, dans une toilette publique. Ah, puis c'est assis dans une toilette publique. Ah, ouais. Ouais, non. Non, à moins ben, que moi, j'ai moi, besoin moi, je pisse debout. Moi aussi, là, à moins de... Non, mais je pisse tout le temps debout. À maison aussi, là. Moi aussi. À ouais. moins d'avoir une urgence numéro 2 en même temps, je vais m'asseoir, là. Mais... non, exact. Non, mais c'est ça. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de monde qui pisse assis. OK. Comme ça, là. Paraît que c'est moins pire pour la, la prostate. Moi, c'est parce que quand tu pisses debout, tu pousses plus, apparemment. Okay. On m'a dit ça. Okay. Mais moi, je ne crois pas à ça. Je pousse pas tant que ça. Là. Puis quand je pisse... Faut que tu pousses quand tu pisses. Va voir ton médecin. Non, ben, faut pousser, là. Faut que la baisse sorte, là. Mais il paraît que le poussage est plus prononcé debout. Faut que tu pousses, faut pas que tu forces, non? Ça peut-être un problème. Ça changeait, là. Assis dans l'urinoir. Assis dans l'urinoir, comme ça. Dans Kingpin, là, le roi de la quille. Là. Ah, je vois, le film, là, ouais. Avec Chris, avec Woody Harrelson. Avec la biche qui va chier dans un urinoir. Là. T'as jamais écouté ça? Ah, c'est bon. Ben, c'est bon. C'est bon de l'époque. Là. C'est une comédie des Fairly Brothers. C'est quand même bon pour l'époque, là, mais ouais. Bill Murray, il y a une boule de quille en or avec une rose dedans. C'est incroyable, ce film-là, pour vrai. Là. Ah, ouais. Moi, j'aime beaucoup, là. Je l'ai jamais écouté, mais je sais de quoi tu parles. Je me rappelle de la pochette. Mais non, j'ai pas... Non, je suis plus debout, moi aussi. Je suis plus debout, là. Fait que c'est ça. Plus debout, n'importe où. On répond à la question. En exact. Public, debout. Dans la rue, n'importe où. Moi avec. En arrière, c'est... Ouais, dans mon char. El Padre, Jean-Michel Racine pour les intimes. Ah. Salut les gars! Est-ce que vous considérez la génération de consoles actuelles comme étant un succès? Et pourquoi? Salut Ben. Ben, un succès... C'est une continuité, là. C'est une continuité, mais sur papier. Ben, selon les chiffres, la Switch 2 est un succès. Elle a vendu follement. Ouais, ouais. Déjà. Fait que, voilà. Un succès, bon, là, j'imagine le monde pourrait dire « Ah, il manque, il n'y a pas de jeu. » Ben, il va en avoir, là, mais c'est pas comme t'sais. Si on sent qu'il y a un crash de jeux vidéo qui s'en vient, là. Tout elle voit bon train comme avant, je trouve, là. Exact. Tu sais, on ça est roule, rendu... Là, on est bien, toutes les consoles de l'époque courante, c'est des ordis. Tout c'est des jeux d'ordi. Fait qu'on est genre sur une grosse aire d'aller en ce moment, là, je trouve. Ouais. Puis la PS5 a encore du temps de sortir en masse du stock. Ouais. La Switch 2 est pas... 5 à 1 Montréal. Et ta boîte. C'est des ailes. Ça, c'est des games qui comptent. Ouais. Oui, monsieur. Oui, on va aller chercher des ailes. Puis, tu sais, la Switch 2, c'est parce que la Switch 1 était une révolution, tu sais. C'était un comeback console après un flop, là. Ouais, un puis gros flop. Puis, ils ont réussi leur comeback. Fait que ça, c'est gros, là. Ouais. Fait que, tu sais, tu peux pas accoter ça vraiment... T'sais, avec la Switch 2, tu sais, je veux dire, tu peux pas réinventer. Non, mais là, ça ils ont. Ça serait con de réinventer. Quelque ils ont chose trouvé une marche. Niche qui fonctionne, puis ils ont continué là-dedans. Là, c'est exact. Ça. Puis j'étais le premier à dire, ouais, ça aurait été le fun un peu plus, puis tout ça. Mais, tu sais, au final, moi, ça me convient parfaitement. J'adore ma Switch 2. Elle est belle, elle est propre, ça va bien. Les Joy-Con se détachent, tu sais, tout. C'est leur tout prochaine console que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Va-t-il être la Switch 3 ou ça va être quelque chose de complètement différent de ça? Ça va être tard, là. Dans combien de temps? Ça 7-8 ans. 7-8 ans encore. Mais ils n'auront pas le choix de continuer dans cette ligne-là, je pense. Là. Mais avoir 52. On va être encore ici. Mais avoir 50, ouais. Peut-être. Sûrement, on l'espère. Sur ces mêmes chaises, avec plus de gris. Là. Les mêmes écouteurs, les mêmes chaises, les mêmes livres. Mais un système informatique incroyable, bâti. Les mêmes livres, là, la poussière, même poussière, Rob. le même Porto pas bu, puis la même Belmont dans le frigo. Le poster va être Sunfade. Exact. Bambino Tacos, yes. Salut, que pensez-vous de la hausse des prix du Game Pass sur Xbox? Est-ce dommage pour ceux qui encouragent le marché numérique qui est centré sur la location ou au contraire, c'est bien fait et ça vaut peut-être les réveiller sur le fait qu'ils sont totalement dépendants de ces plateformes en encourageant ce genre de marché au lieu du physique? Bonne soirée et merci pour le divertissement. Donc, moi, je suis d'accord... je me rappelle plus comment ça coûtait le Game Pass avant. Ben, je l'ai jamais su. C'est dans 10 et 15$, dépendamment de celui que tu prenais. Par mois. Ouais, par mois, là. Et là, ah ouais, juste ça. Ben, parce que là, ça vient de monter à 35. C'est peut-être plus que ça. Ben, moi, j'avais. Ouais, t'avais différentes déclinaisons. Pas moi, j'avais, doublé, j'avais le Game Pass PC, était moins cher. C'est genre 15$, peut-être, parce que j'avais pas console, là. Ok. Mais oui, c'est peut-être 20, une vingtaine de piastres dans ce point-là. Je suis sur Xbox et je retourbe. Retourne. Et tu vois, tu retourbes où, Finger C'est vrai, Jean-Gabriel qui a clippé la Switch avec les aimants, c'est tellement satisfaisant. Il retourne vers le physique. Finger qui retourne vers le physique, en effet. Ben, c'est ça qui arrive. Mais en même temps, si vous jouez beaucoup, tu sais, t'achètes un jeu neuf. Si tu consommes beaucoup de jeux, c'est. T'achètes un jeu peine, neuf par mois, là. C'est un jeu à 100$, là, ouais, ouais. À 80$, tout ça. Là, pour 35$, tu as accès à tout plein ouais. de jeux. Mais là, on m'a dit, Joe ici disait que il n'y a pas tant de jeux Game Pass Day One non plus. Ça fournit pas autant que ce qui était, semble-t-il, ça reste un bon service quand même pour les gens qui ont moins d'argent investi dans les jeux vidéo, qui veulent avoir une grosse librairie avec, tu sais, pas avoir à payer 100$ du jeu. C'est un bon système quand même. Là. Oui, mais ben écoute, ils l'ont augmenté. Ils pensent qu'ils vont le rentabiliser. Ben, ils vont perdre l'argent parce qu'ils font plus de consoles. Là, de toute façon, là, je pense qu'ils... Ouais, mais je sais pas s'ils faisaient de l'argent en faisant des consoles. Vraiment par pas. Vraiment pas, mais Xbox, anyway, ils ont changé. C'est ça qu'ils font depuis longtemps. Ah ouais. C'était 24$ Ultimate, ça job à 34. Oh, shit. Ah, c'est ça. Ça vient de monter d'un 10$ par mois. Là. 12$ quand même. Là. Mais tout augmente tout le temps. Là, ben 10$, c'est quand même un gros jump. Ben oui, je pense qu'à 5$, personne n'aurait rien dit. Quand ton base price, c'est 24$, puis tu jumps à 35$, là, c'est un gros jump là, quand même. Ah oh, ouais, c'est énorme, là, pour vrai. 35$ plus taxe. Plus taxe. Rien de mieux qu'une pochette physique avec un code dedans. Comme Tony Biz, il dit. Absolument. On a parlé tantôt de ça. Ah ouais, ça, c'est drôle. Ils sont fous. Ben voilà. Ils sont fous, ces astuces-là. Mais ben écoutez, ça dépend de votre consommation, encore une fois. Balancez ça avec ce que vous faites. Là, 500$ par année pour de la location. Exact. Fait que, écoutez, moi, j'aime bien les jeux physiques. Hein, puis je crois à les garder. Quoique, en effet, là, maintenant, j'ai une certaine réticence avec les Game Key Cards que je me dis, c'est pas un jeu qui a dessus. Ça peut disparaître complètement. Fait que... Je ne sais pas. Mais les jeux Xbox, Fred en achète, Eric Hébert, j'aime ça voir les collections de Xbox récentes des gars. Tu sais, je trouve ça beau. Si j'étais un tripeux Xbox, j'achèterais tout physique je trouverais ça magnifique. Fait que voilà. Là, SSS Frank, il triche, là, il pose des questions dans le chat. Quel genre de personne. Bon, on peut répondre. Quel genre de personne on était au secondaire? Ben, moi, j'étais un yo. Ah ouais? On me nommait Yo. Ben, secondaire 1, 2, j'étais rien. Après ça, là, j'ai vraiment ouvert un peu plus mon style et ma personnalité, si je peux dire. Fait que j'étais baggy pants, chandail de skate. J'étais habillé en skate. Je skatais, je jouais au basket, j'écoutais du hip-hop, du punk. Puis je faisais du rollerblade aussi, street, tout le kit. Là. Fait que je faisais tout ça. Puis je jouais aussi au hockey. Et puis j'ai lâché le hockey en secondaire 4. Mais j'étais ce qu'on appelait un yo et j'étais en guerre avec les pouilleux qu'on les appelait. Mais c'était des métalleux. Fait qu'il y avait des métalleux et des fermiers. Et puis ce monde-là nous haïssait bien gros parce qu'on était bien bizarre. Fait que c'était la bosse, là. Et puis c'est ça. Je pense que le monde trouvait que j'étais frais chier. Je pense il y a du monde. J'ai des haters, là. Je pense que j'en ai moins qu'avant. Mais qui me trouvent prétentieux, tu sais, tout ça. Mais je sais pas pourquoi, tu sais. Moi, je suis pas prétentieux. J'aime présenter mes succès, les choses que je fais. Je suis fier. Tu as beaucoup d'opinions, là. Oui, j'ai beaucoup d'opinions. Tu défends des opinions. Fait que... J'ai confiance en moi quand même. Mais quand j'ai pas confiance, j'ai pas de honte à ne pas... J'ai pas de honte à avoir de l'air de quelqu'un qui a pas confiance. Puis je le dis le premier, là, quand il y a de quoi que je maîtrise pas ou que je comprends pas ou whatever. Mais bref, c'est ça. Fait qu'à cause de ça, il y a du monde qui me trouvait prétentieux, je pense. Puis c'est ce genre de personne-là que j'étais. Mais oui, je me suis fait bully pas mal. Puis donc, j'étais très méfiant. Puis très, comme j'aime pas sûr d'aimer ce genre de personne-là. Puis je jugeais aussi beaucoup. Mais ça, c'est comme une réaction à un manque d'ouverture. À cette heure, je suis bien chill. Ben oui. Mais j'ai des affaires pas réglées. toi, JF, t'étais quel genre? Ben, j'étais rien. J'avais aucun style du tout de skater ou de whatever, de yo. Ben, moi, j'allais à une école où il y avait l'uniforme. Là. J'allais au collège genre de la Manée à la Rey. Fait que ça enlève un peu ce bout-là. Là. Exact. Mais j'étais juste dans la norme. J'avais ma petite gang d'amis. Là, genre, puis je faisais mes affaires à l'école. Tu faisais du sport? Je faisais du sport. Je faisais beaucoup de sport, activités parascolaires un peu. Là, le midi, je faisais tout le temps du hockey cosum. La période de fin, c'était une période d'études ou de sport. Fait que je participais. Je faisais du water polo tout le temps. Ah ouais, hein? Je jouais au volleyball le midi aussi. Fait que j'ai fait ces sports-là beaucoup. Sinon, je faisais rollerblade moi aussi. Je faisais du bicycle. Je faisais ce que les jeunes font. Là, exact. Mais rien de spécial. Je gamais. Puis on est tombé dans la lutte là, vers la secondaire 4. C'est ça. Puis secondaire 5, je faisais la radio étudiante le matin un petit peu aussi. Fait que mon amour du podcasting a dû commencer dans ce coin-là, peut-être. Là, avec Radio Enfer, m'amener vers ça, je pense. Ah, absolument. Mais j'aimais la technique. J'aimais ce que je fais encore là. C'était un peu ma passion de juste pour le fun. Là. Ouais. T'as fait le cégep de Saint-Jean, yes, deux fois. À 2000 jusqu'à 2002, j'étais en sciences pures, puis je suis retourné en 2005-2006 en informatique. Là. Ouais. J'ai fait sciences pures, j'ai lâché, j'étais allé faire de la lutte, j'ai fait mon AEC en cinéma, pas de job, je suis revenu à l'école après ça. Parcours. J'étais en sciences pures, il me restait genre une session, puis j'avais mon diplôme de sciences pures, puis je l'ai jamais fini. Là. Je savais pas où je m'en allais avec ça pendant tout. Là. Ouais. Quand je fais des sciences, je m'en vais à l'université, aucune idée. Il y a rien qui m'intéresse à ce que j'ai rien de faire en ce moment, vraiment. Là. Ouais. Ben. J'étais comme, je prends en informatique si tout ce que je fais va failer et tout ce que j'ai fait a failé, fait que je suis allé en informatique. Je savais que j'étais bon, mais je voulais pas faire ça comme job, finalement, je fais ça comme job. Ouais. Ah, ben. Ça ou une autre chose, là. T'as réussi quand même. Ma mère a essayé de m'aligner pour optométriste beaucoup, là, ou dans. C'est bien payant. Optométriste, dans 20 points. Je suis que c'est payant, genre. Je fais pas plus d'argent là, probablement, là. Ah, ben, je pense que oui. Je te confirme que oui, en fait. Oh boy. Mais. En fait, c'est pas vrai. Je m'en allais vétérinaire pendant un bout. C'est là que je voulais. Puis là, j'ai fait comme. Je pourrais pas. J'ai pas le mental assez fort pour euthanasier des animaux. J'aime trop les animaux. Fait que cette partie-là va me détruire ma carrière de vétérinaire. Hein. Ouais, fait que okay. J'ai arrêté ça. J'étais allé ailleurs. J'ai un moment donné, j'aurai un projet avec les animaux, quelque chose là, qui va se faire. Là. Ben. Ou ma fermette plus tard quand je vais être plus vieux là, à la retraite. Là. Pour l'instant, ton projet avec les animaux, c'est pas mal des ramasser morts. Ouais, dans ta exact. Tu vois, ça te rattrape. Et m'occuper de mon chat vieillissant qui est encore en vie. Là. Que t'étais sur le bord de mettre à mort, yes. Justement, mais il fallait fouet. Juste racheter une plus petite litière. Fallait que je la mette en haut parce que, genre, cette semaine, genre, j'étais comme, elle est en bas, le chat est en bas, je suis fait là. Elle a pissé où est-ce que sa litière était plus là en bas. Je suis comme, voyons. Ça fait un an qu'elle va plus, elle descend en bas, elle pisse en bas. Je suis comme, okay. Bon, c'est correct, elle a pissé sur un petit tapis de. Elle était dans la salle de bain, c'est correct, là. Mais oui, elle en perd des bouts. Dès que je descends, elle hurle parce qu'elle me voit pas, puis elle a genre l'anxiété de séparation un petit peu, je pense. Là. Ah ouais, hein. Mais c'est ça. C'est un chat, pas en fin de vie, là, mais c'est un chat gériatrique, là. J'aimerais une petite parenthèse sur le water polo, vite ouais, fait, ouais. Parce que mon fils va peut-être prendre ça en éduc à c'est son prochain fun. Choix. C'est dur, c'est mais fun. Water polo, tu peux pas toucher au fond, là. Non. Mais comment tu fais pour nager sur place pendant aussi nages longtemps? Sur place pendant longtemps. Ben, c'est pas possible. Ben oui. Combien de temps? Faut être du cardio, là. Mais sur place, là, tout le temps. Ben, t'es tout le temps en mouvement parce que faut que tu te lances la balle, faut aller à l'attaque, à la défense. Mais combien de temps ça dure une game? Je me souviens plus exactement. C'est quoi 15 minutes? Genre, là, c'est peut-être ça, là. Okay. Il y a des arrêts de jeu des fois, là. Okay. Le plus dur, c'est d'être goaler. Et c'était ma position, le plus souvent, c'était d'être goaler, water polo. Parce que dans les piscines d'école, t'as le creux, t'as le pas creux. Fait que quand dans le pas creux, tu peux être sur tes jambes, tu te reposes un peu. Mais dans le creux, tu peux pas te tenir après le filet, genre pour genre. Fait que faut que tu nages de même, là. Ah ouais, hein. Fait que c'est dur. Quand tu reçois une passe, pis faut que tu nages contre quelqu'un qui essaie d'enlever un ballon, pis hey, c'est difficile, c'est du cardio. Je mourrais à ce moment à jouer à ça, là. Ah, à l'époque, j'avais bien du cardio, je faisais bien de la course, pis de ça, là. Ah ouais. Mais c'est un les sport. Les jambes, sérieux, ça doit développer les jambes. J'ai encore des gros cuisses et des gros mollets pour cette raison, d'après moi, là. Hey, c'est Christ, je suis pas capable, moi, de faire du surplace plus que. Je suis capable, là, mais. Une minute, là. Les animaux, j'ai vu, c'était plein de gens. Mais c'est un sport quand t'as pas beaucoup parlé, par exemple, le water polo au Québec. Pourtant, il y en a dans plusieurs écoles. Là. Mm-hmm. Des gros nets en métal. Genre, pis, Ah ouais, non, c'est ça. Moi, au water polo, genre, au secondaire, je jouais avec des amis qui se faisaient un plaisir de genre, me garrocher direct dans la face là, quand j'étais goaler. Ils sont fins. Ah ouais, j'aime beaucoup ce monde-là. Isabelle Qualité. Non, voyons, la belle qualité. Isabelle Qualité. J'ai comme, yeah, il y a une fille. Mais bon, salutations vous deux ce soir dans l'arène Carnov contre Dalsim, sur lequel je parie mon vieux 2$ en papier. Moi, j'irais avec Dalsim. Ouais, je pense qu'il a développé. Des longues jambes. Ouais, il a développé beaucoup de skills. Lui, depuis de ça, dans le fond, water polo, Dalsim. Ouais, il serait bien. Les bras dans les airs, puis je suis en train de. Les pieds parqués au fond. Ouais, c'est hein, ça, comme je pense que Dalsim gagnerait, mais le gros Carnov, il donnerait un bon combat. Avec sa moustache. Mais là, Dalsim, il disparaît, il réapparaît. Il y a trop de power. Il téléporte, il y a trop de skill. Tom Fritchett, des Fritchett Bros. Les Fritchett Bros. Et puis finalement, es-tu rendu à sec car ton gars a fait le 2A et JF, la fin de la garderie, que fais-tu, les poches pleines? Fait que pour je fais mes dettes, moi. Mon gars n'a pas fait le 2A finalement, il a été retranché à la fin, alors il est dans le 2B. Et puis, c'est ça qui est ça. Alors, il est à sa place, il est heureux. Le premier match a lieu ce samedi. J'ai bien hâte. D'ailleurs, je retourne en vélo tantôt parce que ma blonde a besoin de char pour aller le porter à la pratique. Ben ouais. Là, il fait son permis, fait qu'il va pouvoir aller tout seul à sa pratique quand il l'a. Donner encore plus dans le gaming. Exactement, on va gagner là. Et puis, donc on va couper les dépenses du 2A. Ça. Pour ça, je suis quand même content. Mais il était pas triste. Il prend ça bien chill. Puis, ouais. Il y a un bon petit club, je pense. J'espère. Là. Selon le coach, on va se faire torcher apparemment, mais... Je sais pas s'il dit ça rien que pour préparer les gars. C'est une drôle de tactique, mais bon. Fait que voilà. Puis toi, JF, donc, ton argent d'économie de garderie. Je suis pas plus riche parce que genre j'avais des dettes à rembourser. Là. Moi, les derniers 3 ans m'ont détruit mon compte de banque puis toutes mes économies quasiment. Là. Fait que j'ai... Les quoi? Mes économies. Qu'est-ce qui a détruit les derniers 3 ans, quand je me suis séparé. Les derniers 3 ans. Plus que je réhypothèque, que je donne de l'argent puis que ça m'a coûté cher pendant un bout parce que aussi tout a pété chez nous là, pendant un été de temps. Les meubles à mon gars, tout ça. Fait que là. C'est ça que je fais en ce moment, c'est que je clear mes dettes et je me rebâtis. Là. OK. Pour ça que je fais de la side job avec Retro MTL aussi. Ben oui. Besoin de grinder un peu pour me remettre à flot comme il faut. J'ai vu que tu as encaissé ton premier chèque virtuel. Là, ouais, mais je l'ai mis la moitié de côté, l'autre moitié dans une petite enveloppe pour genre les impôts. Là. Ouais, pour le gouvernement. Le gouvernement. Le gouvernement. Mais c'est ça. Que le gouvernement pas. Exact, comme ça. Mais là, j'essaie de suivre un peu la Dave Ramsey, là. C'est qui, lui? Le gars qui explique comment, genre, se débarrasser des dettes puis devenir un peu autonome financièrement, là. OK. De genre, faut-il un 1 000$ de fonds d'urgence, puis un 10 000$, ou genre de 3 à 6 mois de côté de ton revenu, mettons, que t'as, de ta job. Après ça, le moins de cartes de crédit possible. Le moins, aucune dette. J'essaie de faire ça. Tout ça fait bien du sens. Oui, oui, mais... oui. Mais lui, il expliquait, genre, comment... faire la méthode boule de neige pour quand du monde a un paquet de dettes différentes, mettons. Ouais. Tu attaques ta plus petite, puis tu prends de l'argent là, quand tu as fini, tu le mets sur la plus grosse. J'avais pas ça, j'avais juste de la dette de crédit, là, mais là, je le trouve intéressant. Écoutez, j'ai des lacunes financières à régler. Là, OK. J'ai de la connaissance, puis je des fois, je suis comme, hey, j'ai trop d'argent, puis je regarde plus rien, puis je me mets dans la marde comme un épais. Là. c'est ce que j'arrête. Là. Tu règles ça avec le casino en même temps? Hein? Oui, ben je vais faire un petit peu, je peux aller. Pour vrai, c'est un petit bout, parce que la dernière fois que je suis allé, j'avais tout perdu, puis j'étais comme, j'ai eu aucun plaisir, genre, j'ai rien eu, rien du tout, ça fera, là, genre, ça... si je gagne pas, j'ai pas de fun, je reviens pas, ouais. Ça sera plus tard, là, avec mon frère, une autre fois, là. Fais des petites boules de neige, mon gars. Ah ben, j'ai plus rien, je suis correct, là, j'ai fini de payer mes affaires, là. Là, je me rends flou, là, je fais mes fonds d'urgence, puis tout ça, là. Excellent. Et bientôt, je vais pouvoir ressauter dans ma piscine à argent, dans mon puits de cash chez nous. Là. Ta piscine, c'est ça, bien réparée, bien propre. Tout est réparé. Excellent. Fréchette Antonin, l'autre. Après plusieurs années à entendre JF parler de VR, j'ai finalement décidé de me lancer dans cette aventure. Alors, JF, tu me recommandes quel jeu pour débuter? Ça dépend sur quelle plateforme, man. Faut que tu me réécrives quelle plateforme. C'est Quest et PS VR 2, c'est deux univers différents. Même PC VR, c'est différent. Puis il n'y a pas les mêmes jeux sur toutes les plateformes. Il y en a qui se répètent dans les plateformes différentes, mais ça dépend. Là. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pendant qu'on entend. Table Trooper, c'était sur Quest. Là, faut que t'aimes Worms. Là. Il y en a tellement des styles de jeux différents. En même temps, il y en aurait besoin d'un aiguillage. J'aime les jeux de rythme, j'aime les jeux d'aventure. Reviens-nous au prochain épisode avec ce que t'aimes et quelle plateforme tu utilises. Exact. Puis je vais te faire des suggestions. C'est trop flou. Oui, écris-moi direct en privé sur Instagram. M'a te parler. Chartier Max, je gagne quoi? J'ai la première question. Ah, ça, c'est drôle parce qu'il n'est pas en premier. Dans... ça s'est comme bougé. Anyway, ta wishlist pour 2026, industrie et Tappers jeu. Tappers VR. Chris. Pas Tappers. Tappers VR. Non, mais Root Beer Tapper. Là. Ouais. Ça, c'est cool. Là. Mais que ça serait le vrai, là, que tu cours. Puis que tu vis le bonhomme, là, pour tu vrai. Tu cours dans des bières. Ah, ça serait hot, ça. Hey, wishlist 2026... J'ai pas rien que j'attends pour vrai. Ouais, moi, j'attends jamais rien. Comme ça, tout ce qui arrive, c'est rétro, juste de bonne humeur. Ouais, c'est ça. Mais non, il n'y a plus rien. Ben, pas rien qui me hype, là, mais je suis putain les nouvelles de sortie. Puis quand ça arrive, genre, je les prends. Là. Ben, moi avec. Là. Sinon, j'écoute les Nintendo Direct. Puis, c'est pas mal ça, mais je suis pas une nouvelle assez non, pour plus. Savoir. Ah, oh, ça s'en vient, là, ça va être fourrette. Je pourrais même pas dire qu'est-ce qui s'en vient. Je pourrais bien dire j'aimerais un nouveau Castlevania, j'aimerais un nouveau Contra 2D. Un nouveau Mario en 3D. C'est là, ça, ouais. Un vrai beau mat, tu sais. On pourrait inventer bien des affaires. Oui. Mais là, on n'a pas le temps. Papa Godzilla, ça serait quoi vos méchants de jeux vidéo préférés? Ça peut être autant des boss que des bébites qui tuent à peine. Là, je sais pas, super chaud. Les méchants préférés. Ah, ça, c'est une question difficile. C'est des affaires qu'il faut faire des recherches. C'est difficile. Il faut faire des recherches mentales. Là. Les Goombas. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu sais, le bon vieux Goomba. Les Goombas, les petites tortues dans Mario. Il fait le travail. Il est comme étrange. Là. Je l'aime bien. Les voleurs d'or dans Lord Runner. Là. Sacrement, je m'attendais pas à ça. J'essaye. Là. Les pichets de bière pétées dans Tapper. C'est ça, les méchants. Là. La saucisse dans Burger King. Juste la saucisse. Juste les saucisses. Ben, j'aime bien le pickle parce qu'il arrive plus tard puis il flippe comme demain, mais il est fucké en tabarnak. Le bonhomme avec le spring dans Q-Bert. Les bébites de Q-Bert là, sont bien étranges. Ferdinand Social. Mais c'est pas un méchant. C'est le héros du jeu. C'est là. Ça. Ça prend des méchants. Là. D'ailleurs, ça prend un chandail avec Ferdinand Social dessus que personne ne va rien comprendre. Là. Exact. En fait, on va en faire un gros ici ça, sur Wattpaper. Ça va être ça, genre le décor. Gros Ferdinand Social. Exact. Juste ça. Plusieurs. Tu sais, Wattpaper, plein de Ferdinand Social. Toutes les Sprite et Ferdinand Social. Genre, ah oui, ouais, avec la cape, là, de les positions. Fait que. That's it. Désolé, nice. Goomba. Tom Fretchett. Encore, il triche, là, il en pose deux. Ton prime de gars sexy, c'était l'épisode 168 de Rétro Nouveau. Haha, je pense que tu es dû pour retourner au combo cheveux mi-long et barbe. Ah, toi, il parle de toi comme gars sexy? Mon prime de gars sexy, c'était l'épisode... 168? Je suis dur pour retourner aux cheveux mi-long et barbe. OK. Ah ben, fait qu'il dit que c'était mon prime de beau, de sexiness à l'épisode 168 de Rétro Nouveau. Alors, allez sur YouTube... Puis, ben, tu peux peut-être faire ça pendant que je pose des questions. Ouais. Va sur YouTube, tape, trouve l'épisode. 108. Puis on verra de quoi j'ai de l'air. Voir si je suis plus sexy que présentement. Sûrement, en fait. Des fois, je me dis, j'aimerais me refaire pousser les cheveux. Mais en même temps, je trouvais que j'avais de l'air d'un itinérant un peu comme ça faisait. Ça me vieillissait beaucoup. Alors, je suis plus sûr tant que ça que j'aime ça. Alors, maintenant, je m'en vais sur Meta. J'arrive. En mosaïque. En mosaïque, ouais. 168. On est ici. On s'en va sur Screen. Puis on fait ça. Ah, t'es chez Fred, celle-là. Ah ouais? On le voit pas dans la télévision. Ah, je l'ai pas mal rappelé, là-dessus. Ça, c'est la fin. J'ai mis tout le temps de mettre avant de commencer. Ah, je te donnais de l'ouvrage. Hein, non, pas. Ah ouais, hein. J'ai... Ça, c'était l'été chez Fred pendant que toi, t'étais absent. Ah, t'avais pris du temps off. Je pense que c'est quand je déménageais à la maison, ça. Ah, ça se peut, en effet. Il y a eu un... Ouais, je pense que c'est l'été que je déménageais. J'ai eu un genre de 2-3 mois que je n'étais pas là parce que j'avais refait le site, on avait fait le décor, Ouais. Ben, je pense que tu étais aussi en train de réorganiser des affaires au niveau personnel. Là. Non, ça, c'était après, ça. C'est après? La deuxième. Ça, c'est la vraie longue pause quand j'ai eu mon enfant. Là. Parce que je me rappelle, t'étais pas venu, toi, chez Fred. Non, jamais été chez Fred. Là. Non, c'est ça, exact. La longue pause, c'est quand c'est début 2020. Fin 2019, le gala, j'ai arrêté. Puis je devais revenir après quand j'ai eu mon enfant. Puis il y a eu toute la merde personnelle qui fait que ça a redécalé mon retour. Là. Ouais. Mais non, ça, c'est vraiment la pause que je n'étais pas là parce que c'était les vacances et le changement de condo vers la maison. Là. Ah, il faisait chaud dans le sol, c'était l'été. Avec ses cheveux-là en plus. Là. On buvait beaucoup de bière. On buvait, on buvait beaucoup de pixels qui nous commanditaient. Puis j'avais mon t-shirt de Vox Populi. Ben alors, oui. C'était la bonne vieille époque. Ben, merci pour le sexiness. Donc, maintenant, sur Meta. Facebook. Meta. Bruno Chagnon, Papa Cassette et Jesus Crumb. J'espère que vous allez bien. Les jeux de rythme, c'est de que c'est pour vous. C'est oui! Ouais, hein? Ben, toi, moi, je suis un gros fan. Ben, même avant, là, moi, tout ce qui est jeux de rythme, c'est oui tout le temps. Là. Ouais. J'étais un gros joueur de Guitar Freak au PlayStation, Guitar Freak à l'arcade, Guitar Hero, Rock Band, tout ça. Guitar Hero, beaucoup, moi aussi. Tout ce qui était Dance Dance Revolution, j'ai joué énormément à ça. J'étais une machine au début du cégep quand je jouais. Il y avait une arcade à mon arrêt de boss à Saint-Jean. Et j'étais, toutes mes payes passaient là. Puis je jouais des tunes qui n'avaient pas de sens. Ouais. Tout ce qui est jeu de rythme. Drum Mania, il y avait. Tous les jeux de rythme, je les ai joués, je pense. As-tu fait DJ Hero? J'ai joué avec, ouais. Je ne l'avais pas, mais j'ai joué avec. Quelqu'un de mes amis l'avait pendant un bout, puis j'avais bien aimé ça. Frequency, Amplitude, tous ces jeux-là aussi. Ouais, là, ouais, ça, ouais. C'est tout dans ma tal, là. Ah, ouais, hein. J'ai déjà dit ça quand j'étais jeune, j'avais fait la place des arts au clavier. Et ma prof de clavier était Diane Bibeau. Ah, ouais? Attends, c'est beau, l'organiste du Canadien. Ah, du Canadien, ah oui, c'est vrai. J'ai pris mes cours chez Dianorgue à Sainte-Catherine. Dianorgue. Et elle était aussi folle dans ce temps-là que maintenant. Elle gueulait en débit tout le temps. Là, genre. Ah ouais, hein? Mais petit crise de tabarnak! Je vois plus jamais cette chanson-là à marde, calice! Crise de niaiseur! J'adore ce segment-là dans Slapshot. Dans là. Slapshot, oui, c'est ça. Après ça, le gars, il reçoit une puck dans la face, c'est lui qui joue de l'or, puis après ça, il y a un casse. En tout cas. Ah, oui, oui, fait que moi, j'ai le rythme musical. J'allais quand même un peu l'oreille musicale pour avoir fait beaucoup de piano de clavier quand j'étais jeune. Là. Piano, clavier, piano, planier. Moi, oui, ça a été du Guitar Hero, puis pour le reste, je suis pas tant, non. J'ai le Rhythm Heaven. Puis Rhythm sur DS, que j'ai quand même joué beaucoup et que j'ai critiqué à Retro Nouveau il y a très longtemps. Puis Rhythm Heaven Fever sur Wii, qui vaut quand même vraiment cher là, maintenant. Là. Je pense que c'est au-dessus de 150$. Une affaire de fou. Peut-être même plus, je sais pas. Ah, ouais. Ce jeu-là a jumpé. Puis je l'avais dans ma collection, mais j'ai tout vendu. Mais j'ai Wii, je commence, je joue jamais. Là. Puis c'est vrai. Mais pour moi, c'est que ça. Alors, c'est vraiment plus toi, le spécialiste. Ouais, il y en a un que je veux faire, c'est Josh Hepp & Beast, que j'ai jamais fait, là. Ben oui, par... Bruno l'avait déjà... Oui, c'est un studio québécois, là. Exact. Berserk. Berserk, ouais. Les gens qui ont fait Infernax. Tu sais, nous autres, moi, je pense à eux ben, pour Infernax, tu sais, mais eux autres, ils sont encore à liste d'Infernax, là. C'est Josh Hepp & Beast, man, qui est comme le... qui fait tout... Rouler à patente. Il est sur la wishlist team, à un moment donné, il faut voir que je le pointe puis je le joue, là, c'est sûr. Là. Ouais. Non, j'ai jamais joué, moi non plus, mais je pense que c'est un petit chef-d'œuvre, là, quand même. Pascal Reeves, le hockey commence. Ice hockey ou Blades of Steel? Ice hockey, on dit souvent. Hein, pour Blade of Steel est plus connu, Ice hockey est meilleur. Il y a un jeu il y a une borne d'arcade de Blades of Steel, tu sais, mais moi, Blades of Steel sur NES, je trouve ça lent, clunky, tu sais, comme. J'ai jamais aimé ça. Le ice hockey, c'est frénétique. C'est comme, oh, c'est vraiment un jeu type arcade. Là. Moi, ça y va pour ça. Là. Fred Paré, un nouveau Patreon, qui est aussi une personne qui vient de Saint-Joseph-de-Beauce, avec qui j'ai joué au hockey mineur pendant très longtemps. Il était excellent, Fred. Puis on avait d'autres affinités, dont le gaming et la lutte. Je me rappelle d'être allé chez eux, puis on écoutait genre le match d'échelle de Razor contre Shawn Michaels, je pense, mais dans la télé brouillée. Ah, oh, man, ça. Puis là, mais on trippait lutte, puis on trippait gaming. Fait qu'on s'est. Il est venu chez nous, puis j'ai fait genre Mortal Kombat. Je suis allé chez eux, on jouait au Game Boy. J'avais l'ami au secondaire. Fin de secondaire, j'allais chez eux, puis ils habitaient à Napierville, puis on poignait la ECW à cause qu'il était proche des lignes. OK. Mais genre. Noir et blanc, griché, pis t'es comme, oh là, on l'a! Puis on était capable de voir de la ECW live, c'est comme, my god, on est mind blown de ça, là. Ah oui. Hein. Personne ici ne voyait ça de la ECW dans ce temps-là, à 97, là. Genre, exact. Fait que c'est cool que Fred soit réapparu. Ouais. Raconte-nous ton pire rage quit, la fois où tu as le plus haï un jeu, la fois où ta manette a le plus mangé une volée. J'ai pas. Wave Race, j'ai déjà lancé une manette dans le mur, là. Ah ouais, hein? Puis je pense que j'ai lancé dans la TV direct, ma mère, mais elle m'avait engueulé, là. Wave Race. Parce que j'ai essayé de battre des records, puis j'étais comme à une demi-seconde près, une affaire de même, là. Okay, je me rappelle, mais c'est pas arrivé souvent, là, que je garoche de quoi, là. Ouais. Moi, je me rappelle, j'avais mordu ma manette NES à un moment donné, puis là, les traces dedans étaient restées, puis ça m'a... J'étais comme, bon... Tu sais, comme 10 secondes après, je suis comme, pourquoi j'ai fait ça? Ah, c'est carré. Mais je me rappelle plus sur quel jeu, par contre. Mais oui, c'est quand j'étais petit où est-ce que là, tu rentres loin, tu sais, puis là, tu crèves, tu es comme, ah, ça m'a tout Copette, j'ai gueulé une coupe de sac là, en jouant à la manette. C'est vrai, moi aussi, le style dragon, j'ai tellement une misère. Tu refais le même boss sans arrêt, hein, t'es comme, ah! Genre, ouais. Non, ouais, Copette, c'en est un bon pour ça. King Nadera dans le chat pour le hockey, il dit essayez Super Blood Hockey. Je l'ai jamais essayé ce jeu là. Je l'ai déjà critiqué à Retro Nouveau. Ah ouais. Super Blood? Ouais. Pas old time là. Super Blood Hockey. Ah ouais. Il y a une critique dans les archives. C'était chez nous au condo. Tu peux quand tu fais le tournoi puis l'équipe qui perd, genre mettons en Russie, l'équipe perd, l'équipe se fait gonner là, genre à la fin là. Puis tu peux jouer 12 contre 12, t'as Zamboni qui ramasse tout le monde. C'est quand même bon Super Blood Hockey. Ok, hein. Il y a une version physique de ça aussi. Ouais. C'est un ice hockey qui a pas de boost. Fait que c'est... OK. Ben, OK. C'est du hockey. C'est ça. Pas fatigué du tout. Non, c'est ça. OK. On l'essayera au WEG, peut-être. Si quelqu'un l'a. Je l'ai, c'est mon ordi. Ah bon, ben, on l'essayera, barnac. Ben oui. Les cinglés, ouais. Charles Trudeau, si t'étais ultra riche, aurais-tu acheté les EB Games pour les transformer en Retro MTL? Certainement que j'aurais fait ça. aurait fait ça. Ben oui. On va peut-être y arriver sans que je sois ultra riche, qui sait. Mais oui, j'aurais fait ça, absolument. Une chaîne de jeux vidéo là, au Québec et ben beyond. Oui. J'aimerais bien ça. C'est un objectif, c'est un rêve. Serge Saint-Hilaire, salut. Bonjour. Bonjour. Avez-vous entendu parler de la dernière nouvelle concernant Saclic, qui dit que le gouvernement avait une offre d'une compagnie québécoise qui avait offert leur service pour le site pour 25% moins qui avait offert leur service pour le site pour 25% moins qui avait l'expertise. Donc, c'était 25% moins cher et il y avait l'expertise. Seriez-vous capable de me convaincre qu'on pourrait être un pays avec un gouvernement pareil qui accumule les erreurs avec les services sociaux que nous avons, les manchettes dans les journaux qui sont les mêmes qu'il y a 20 ans? Personnellement, je suis maintenant très cynique envers ceux qui nous dirigent. Toujours le beau discours de personnes très charismatiques. Veuillez noter que je n'ai pas vraiment d'opinion sur la séparation du Québec. Personne n'a jamais réussi à me convaincre. Désolé pour le gros texte. Pourquoi ils n'ont pas pris la compagnie québécoise si c'était 25% moins cher? Ça, je me l'explique pas. Là. Ça, je ne saurais dire. Non, mais là, attends, on a parlé là, des Indiens. Oui, mais je veux dire... Puis sous-traité en Inde, c'est pas quelque chose de rare là, non, dans ces domaines-là. Ça se fait tout le temps. Là, tout le monde fait ça. On manque de staff. Là, fait, le projet est dirigé au Québec, mettons, mais il va être semi-fait en Inde pour le développement. Ça va arriver. Là. Exact. Mais là, qui aurait refusé de faire développer au Québec, ça, je... J'ai aucune explication. Mais là, je dis, comme ça n'a pas d'allure. Si c'est ça, ça n'a pas d'allure. Ils ont commencé, puis il y avait des affaires à se passer, puis c'est comme, ah, bon, le nom de ma compagnie, il vient de sortir, hein, c'est drôle. Ah oui. Il y a quelqu'un qui avait accès à des documents, genre, d'appels d'offres, puis genre, c'est pour ça qu'on perd les appels d'offres. Le monde, il fraude, puis tout, là. Ouais. Chris, t'as pas d'affaires. J'avais jamais eu accès à ce document-là. OK, mais ici, je vois que vous l'avez envoyé de votre courriel de job à votre courriel personnel. Ah, ça se peut. Ah, l'affaire d'Infoman. Genre, tabarnak, le meunier, il se tue, là. Moi aussi, tu sais, il va tout passer à la commission Galant, ce monde-là. Ils sont comme, non, non. Ben là, ici, ça montre que oui. Ah, peut-être. OK. C'est tout. Pas rien. Pas de conséquences. Pas de tape, rien. Il retourne travailler, esti, à 250 000. Tu sais, c'est ça. C'est qu'il n'y a jamais personne qui est redevable, ouais, tu sais. C'est ça qui est... Puis il n'y a jamais personne qui peut se faire couper. Le monde se font tasser. Personne ne se ferait mettre dehors. Tu sais, c'est grave, là, ça clique. Ah, oh, c'est épouvantable, ouais. C'est épouvantable, tu sais. Puis Nordvolt, c'est de la merde, puis ça a mal été. Mais moi, je suis prêt à pardonner... Hey, ça clique, là. C'est d'échapper pas si la balle ça que ça a à faire comme système, là. De casser des affaires en essayant de développer un nouveau marché qui, je pense, est quand même une bonne idée... de les filiales batterie, l'emmagasinage d'énergie. Ouais, ouais. Puis tu peux faire des gaffes là-dedans en essayant. Bon, là, ils ont chié la marde avec Nordvolt, apparemment, mais il y avait peut-être... Dans tout cet univers de projets-là, il y a quand même des bonnes choses, ouais, je pense, ouais. Des bons développements qui se sont faits. Mais pour Saclic, ça me fait capoter. Puis je suis d'accord avec Serge. Comment tu veux convaincre le monde qu'on est capable, ici, au Québec, de gérer... Quand on voit des affaires de même, tu sais. Mais moi, ça m'arrête pas. Tu sais, moi, j'étais une licorne. Ben moi non plus. Dans mais un là, monde de licorne. C'est juste que, genre, c'est pourquoi tu refuses 25% moins? Parce que tu penses que la compagnie n'a pas l'expertise ou parce que quelqu'un graisse les poches pour payer plus ou parce qu'il ne charge pas assez? Il y a peut-être un graissage à certaines places. C'est pas à ce niveau-là, mais j'ai déjà pas eu des contrats de vidéo parce que je ne chargeais pas assez. Là. Ben ouais, il y a ça aussi. Ça, c'était. En effet, mais j'étais insultant à Chris cette fois-là. J'avais, hé, si bol. Je sais pas long feu dans ce domaine-là parce que, genre, ça vaut pas ce que vous allez payer pour votre affaire, les autres, là. Ah, mais tu sais, c'est le gouvernement, ils ont de l'argent en demande de main. Ouais, on fait ça. Mais je veux dire, comment tu peux échapper des projets informatiques à ce point-là? Je sais comment, parce que j'en vois, là. Je suis dans des gros projets, puis je vois aussi que ça dérape tout le temps, mais. Tu me veux aller, moi, tantôt, là, comment. C'est pas long quand tu sais ce que tu fais, là. Non. Bon, ouais. J'ai fait, là. Non, mais c'est de la suradministration, oui, oui, tu sais, puis de la bureaucratie, puis ça va te tuer, ça nous tue. Mais, tu sais, en monde, France, hein. Ils sont ouais. Pires à ce qu'on dit, tu sais. By the way, là, nous autres, on regarde nos affaires, on se dit, mais on est donc bien de la merde. Tout le monde si a les mêmes problèmes c'est partout. Ça, là. C'est, on n'est pas. On n'a pas des problèmes. T'échappes les projets parce que t'as des dirigeants ou des leaders ou des managers qui n'ont pas les compétences ou qui n'écoutent pas le monde en dessous qui devrait écouter et qui prennent des décisions sans se consulter. T'sais. Exact. Il y a bien des impondérables, des affaires. Là, c'est... Non, exact. Et puis, mais tu sais, malgré tout, pour au lien avec l'espace, un moment donné. Mais pour l'indépendance du Québec, c'est une question financière. C'est une question d'argent aussi. Mais ça clique, c'est la CAQ ça, qui ont fait ça? Oui. C'est eux qui ont fait le petit panier bleu aussi, calice. Ben, qui l'ont fait. Non, mais qui ont... C'était, vous avez tanké de l'argent dans un Google québécois qui personne n'utilise, là. Non, c'est vous ça. Avez fait, qu'est-ce que vous avez dans fait, un là? Amazon québécois, là. Ben, même pas. C'est juste un répertoire. Tu ben, peux... finalement, c'est un répertoire, en effet, qui sert absolument à rien, là. J'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas pris l'opportunité de faire comme, hey, toutes les affaires au Québec qui shippent, là, on va vous faire un genre d'Amazon qui shippe des produits du Québec au Québec. Non, mais tout c'était est là. C'était ça qu'il fallait faire, là. C'était juste ça, là. Non, c'était... mais pour vrai, ce gouvernement-là, moi, je me suis jamais senti autant trahi que par ce gouvernement-là, là. Oh, puis ouais. Comme, j'étais moins outré, hostie, quand les libéraux étaient en place, Jean Charest, tu sais, que ce qui c'est se passe. C'est le Pouillard, là. Ils l'ont... ouais, ben là, lui, j'avais comme plus de misère les, avec les médecins qui scrapent toute la médecine. Ben bravo, c'est de santé. Non, ben c'est vrai, mais bon. Non, c'était de la merde. Mais, ouais. Mais présentement, je me sens trahi. Ouais, parce que ouais. Moi, j'ai voté pour la CAQ. J'ai voté pour Legault pour son côté nationaliste. Puis j'avais un petit rêve en dedans que je me dis, il va peut-être, Chris, rebalancer pour l'indépendance du Québec parce qu'il a déjà été au PQ puis il prônait ouais, ça, ouais. Bien sûr. Puis là, à un moment donné, il a décidé que c'était plus une bonne idée, apparemment. Mais je me dis, Chris, il va être en plan. Il veut le Québec tellement qu'il va leur mettre sa map à un moment donné par la bande. J'y croyais. Mais en tout cas, même s'il le faisait pas, je suis comme, OK, c'est le Québec, puis tu sais, c'est de la business. C'est un businessman. Non, mais, oui, mais finalement, il a chié à tous les niveaux. Il s'est enterré lui-même dans toutes les sphères. Genre, ah, hey, ouais, le troisième lien, oh, ça clique. God, tout là. Ça, là, c'est comme, hey, maintenant, réveillez-vous. Là. Genre, vous récoltez ce que vous avez semé pendant un an, deux ans, trois ans. Là. Vous avez fait du n'importe quoi. Là. Ah, ouais, non, c'est fiasco, dégueulasse, connerie, man. C'est quel gouvernement. Moi, je comprends pas comment tu peux l'échapper de même. Là. Ah, moi non plus. Tu peux pas. Le troisième lien, t'arrêtes d'en parler. Ben oui, à un moment donné, à un moment donné, tu dis, là, gars, c'est fini, là. On s'est assez ridiculisé. Ben non, il ramène, tabarnak. Oh my god. Mais moi, là, genre, j'aurais pas mal été plus satisfait de genre Legault puis Geneviève là, qui viennent, puis sont comme, hey, on a fait des études, on les a lues, finalement, c'est pas une bonne idée, on annule le projet. C'est fini. Exact. Chris! C'est pas plus compliqué que ça. Hey, on pensait que c'était une bonne idée. On a eu les études, finalement. Pis, là, ils font des fausses études qui valent rien. Là, ils arrivent avec des cartables pour montrer qu'ils travaillent. Bon, voici mes études, genre ça, des pètes de papier. Là, hey, quand il est arrivé avec toutes ces cartables, c'est-tu que c'était une vraie honte, ça? Chris, tu me mens. Legault devrait écouter le podcast. Legault devrait participer au podcast avec nous. Ben oui. On est parlé de il y en avait parti un, le podcast. Ça s'appelait Bonjour tout le monde. Et puis, oui, c'était ça. Non, en tout cas, mais il commençait tout le temps avec Bonjour tout le monde parce que pendant la COVID, il disait ça. Mais... Puis je l'écoutais, là. Il a fait 3-4 épisodes, quelque chose, puis c'était fini. Et puis il a reçu Louis Morissette, puis c'était excellent. Et puis, non, c'était bon. Ben, c'était bon de voir. Ouais, ouais. C'était pas lui qui était bon nécessairement, mais c'est ça, il aurait dû continuer, il n'avait plus le temps. Donc, en tout cas. Voilà. Mais je comprends les gens d'être en tabarnak, mais faites attention aussi aux chambres d'écho de ne pas rester pris dans du monde en tabarnak autour de vous. Il y a ça aussi temps. Beaucoup, là. Et puis ça, il y en a énormément. Là. Moi, je suis pris dans une chambre d'écho présentement de monde de Montréal bashing, de monde qui chie sur le Québec, que genre, justement, on n'est pas capable de gérer. Où on est des plus. Ben, parce que je lis des commentaires sur TikTok. Ouais, là, ça je lis des... ton algorithme. Je regarde les posts d'Olivier Primo, puis là, je vois juste du monde en tabarnak, fait que ça me rechaute des affaires. Faut-tu juste ses posts de Poutine? Non, moi, je suis pas les posts de Poutine, mais ses autres affaires. Il publie à tous les jours, ouais, là, sais, pour dire que Montréal, c'est une vraie joke, que le gouvernement chie. Fait que, tu sais, puis moi, je suis comme, pogné là-dedans. Fait que je pense que tout le monde est en crise, mais peut-être tout le monde n'est pas si en crise. L'algorithme, ça me fait capoter. Des fois, sur Facebook, les Reels, je regarde plein de données, je suis comme. Genre, je fais hasard de ce que j'écoute, puis je suis comme « Non !» Puis là, j'ai juste des gens du monde qui jonglent avec des gens. « Ah, comme, tabarnak !»« Merde, pourquoi j'ai regardé ça ?»« Fuck !» Là, je suis comme « J'essaie de retrouver de quoi d'humour que je voulais voir. »« Non, c'est fucking mon algorithme aujourd'hui. » Exact. Oh boy. Alex Neveu, vu que le show est maintenant le jeudi et qu'il y a souvent des games du Canadien cette soirée-là, avez-vous demandé à la NHL de changer les games du Canadien parce que ça peut nuire à vos views? Oui, ils m'ont envoyé un t-shirt, mais on dit non. C'est ça. On pourra pas, mais voici un t-shirt, s'il vous plaît. Cessez. Simon Fréchette Daou. Dom, pour qui vas-tu voter le 2 novembre? Oh, hein, il me le demande direct live. Hein. Ouais. Mais on peut voter à plusieurs paliers au municipal, en effet. Ouais, ouais. Puis là. Je vous le dis, ça se pourrait que je vote pour Thibodeau. Ah ouais, tu vas dire, t'avais quoi? Chialé, hein? C'est ce petit boomer-là qui est anti... qui était complotiste, qui était ci, qui était ça. Là, attention, parce que si vous écoutez les Urbania, T'sais, c'est drôle, j'ai vu de quoi sur TikTok d'Urbania. Il présente. Alors, voici les parties pour Montréal. Projet Montréal sont des gens qui font ça. Ensemble Montréal, ils font ça. L'autre partie là, de Craig Sauvé, j'ai oublié le nom, là. Voilà ce qu'ils font. Et voici Thibodeau, qui était, by the way, pendant la COVID, un complotiste et qui est aussi, by the way, aime bien les chars. Tu sais, zéro neutre, là, tu sais. Juste du salissage. Fait que ce gars-là, il se fait salir énormément, mais tu sais, avec raison. Il est vraiment, tu sais, boomer. Ouais. Et puis lui, il va enlever des pistes cyclables et tout, mais tu sais, il est quand même énormément à dire, ici, on est 80 dirigeants municipaux, puis à New York, il y en a 10, tu sais. Ouais, ouais. Il y a un non-sens. Je suis beaucoup d'accord avec certaines choses qu'il dit, mais je suis conscient, là, que c'est un... Je suis conscient, il est très conservateur comme dude, là. Okay. Mais je pense que peut-être la ville bénéficierait de se ramener un petit peu vers ça. Peut-être. Parce que pour vrai, là, projet Montréal, puis moi, je suis pour ça, là. J'ai voté deux fois Valérie Plante, tu sais, puis c'est good. Mais là, c'est vrai que c'est un peu le chaos. Mais je suis quand même pour les pistes cyclables puis le verdissement et le désengorgement, tu sais, des autos là. Puis oui, on est coincé parce qu'il y a des pistes cyclables. Ben comme oui et non, mais il faut éliminer des chars. Tu sais, les chars, c'est pas l'avenir là. Non. Fait qu'il faut trouver une façon. Fait que je vais probablement voter Thibodeau. Tu peux éliminer des chars quand t'as un système comme le REM, quand il fonctionne sacrément, là. Ben ça, c'est un autre fiasco, là, encore. Là, hey, il ferme encore à 8h30 du soir. Chris, quand il y a des games, là, ouvrez donc jusqu'à 11h. Hostie, tout le monde est pogné au centre-ville. C'est n'importe quoi, c'est là. C'est tellement fâchant. C'est donc bien long à réparer, ce système-là. Là. Ah non, c'est l'enfer. Fait que ça se pourrait que je vote Thibodeau, je vous le dis. Mais je vais ramener ça à l'autre palier pour Rosemont. Je vais voter ensemble Montréal. Okay. J'aime bien les candidats, une femme qui était dans le théâtre et les arts et tout ça. Okay. Et puis, ils ont un bon plan aussi, tu sais, ça me rejoint. Puis pour le reste, je sais pas s'il y a d'autres votes à faire, là, me renseigner un peu plus. Mais présentement, avec un de mes amis qui me feed à tous les jours de statistiques, puis de discours, puis de posts sur X, je me nourris beaucoup, mais je pourrais moi-même me surprendre en votant Thibodeau, même s'il passera pas. Ouais, ouais. Mais on verra. Mais voilà. Sinon, ça serait Ensemble Montréal là, que je c'est terminé pour l'instant pour moi, Projet Montréal. Ouais, ouais. Patrick, le collectionneur. Sachant que tu aimes bien l'Atari 2600, quel jeu aurait le potentiel d'avoir une suite ou un remake sur les consoles actuelles? Dans son cas, il choisirait le jeu Hero pour son gameplay. Merci et bonne continuation dans vos nombreux projets. Bon, Hero est souvent cité comme le plus hot gros jeu de Atari 2600, là. Mais c'est dur, tu sais, il n'y a pas de jeu avec une narrative, tu sais. Non, rendu non. Pitfall, il y en a eu des jeux de Pitfall. Mais on dirait qu'il n'y a jamais rien eu de bon de Pitfall à part les jeux Atari. Mais j'ai jamais joué à aucun de Mayan Adventure, mais qui était un platformers animé cinématique, là, Prince of Persia. Mais on avait l'air de se perdre là-dedans. J'ai jamais joué ça. Ça avait l'air comme fucking dur à jouer. Il y a eu un autre Pitfall sur Wii, là. Ça avait l'air de la merde. Cette franchise-là, man. Ouais. Mais un bon Pitfall, là, tu sais, de quoi de nice, là. Imagine un Pitfall, tu sais, à la Uncharted ou Tomb Raider. Ben oui, là. C'est le même thème, là. Tu sais, je veux dire, ça serait vraiment intéressant. Un Pitfall urbain, là, tu sais, je sais pas quoi. Il y aurait de quoi à faire avec ça. Et puis, hey man, j'ai pas d'idée. C'est tous des petits jeux, là. C'est ça, là. C'est ben, Combat, mais genre, tu peux. Juste un jeu multiplayer. Là. Ouais. Combat, Battle Royale. Ouais, exactement. Mais juste comme vieux de même. Ouais. Mais il y a 100 personnes. Comme... Ah! 100 tanks. Hey, man, ils devraient le faire. Un online multiplayer de Combat, mais old school comme ça. 100 tanks, 100 avions, du monde qui gunne partout. Hey, ça serait le bordel. Ça serait une très bonne idée. Très, très bonne idée. C'est ça qu'ils devraient faire, Patrick. C'est pas le collectionneur, c'est le collect joueur. Ah. Alors, il collectionne, mais il joue. Il joue, ouais. Alors, on admire ça. Mm-hmm. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Bravo. Rémi Chabot, qu'est-ce que vous pensez de EB Games qui vont acheter et vendre des jeux rétro? Bon, ben, je n'ai parlé en introduction. Matt Bennett, quand est-ce que Dom va jouer à Eterna Noctis? Matt, il me gosse avec ça parce qu'il m'a proposé ce jeu-là. Il dit, tu devrais jouer à ça, c'est malade. Puis j'avais oublié. Puis là, il l'a ramené ça dernièrement. Puis là, je suis comme, ah oui, c'est vrai, tu m'avais parlé de ça. Il y a des goûts plus particuliers. Ouais, je vais y venir. Puis là, moi, je me disais, ouais, ben, peut-être s'il y a une version physique. Puis là, il m'envoie, il y en a une. Ouais. Là, je suis comme, OK, c'est pas moyen de m'en sortir. Ah, écrit, 160$ la version physique qui est rendue. Puis il y a juste des versions pâles, puis tu sais, c'est tough à atteindre. Puis là, je suis allé voir du gameplay comme faux. Une critique là, de quelqu'un en France qui a fait une critique. Puis là, il disait qu'il y avait du rogue là-dedans. Ah, okay. Puis là, je suis comme, ça me semble que ça, déjà, ça me tue un peu. Ouais. Puis là, là, j'ai vu, il y avait beaucoup de menus. Puis tu sais, moi, quand il y a trop de menus, puis trop d'updates, d'upgrades, trop de gestion dans mes Metroidvania, ça tue mon fun. J'aime pas ça du tout. Puis il y avait l'air d'avoir beaucoup de ça. Donc, je ne jouerai probablement jamais à ce jeu-là. Pose la question dans deux semaines. Fait que, mais s'il vient au WEG, puis qu'il y a ça disponible, va le tenter. Hey, El Gimuzio! Oh, Fred nous raid. Fred nous raid avec un party de 6. Merci, bon, Fred. Merci. Bienvenue dans la place. Pour quelques minutes encore, et ensuite, on va vous raider ailleurs. Exact. Si j'ai accroché un piton. Qu'est-ce qui se passe? Salut, messieurs, que Fred dit. Marc-André Nadeau. Barouettez-les. Ouais. On va vous barouetter sur Young Media, voir les archives. Marc-André Nadeau, IPA ou double IPA? IPA. Ouais? Ouais. Hey, attends, est-ce que j'ai... La double est-tu juste plus forte en alcool ou est plus forte en IPA? Ben, tu sais, c'est plus, il peut avoir plus de je sais pas, spécialiste. IBU, pas je mélange un ouais, des IBU, oui, ouais. En effet. Là. Mais écoute, moi, j'ai pas de préférence. C'est pas mon style préféré, les IPA. Là. J'en bois quand il y en a, parce que ça me dérange pas. Bon, n'importe quelle bière, là, mais... Ouais, ben les IPA, en même temps, ça, c'est ça, c'est plus... Des doubles IPA, là, t'es rendu... c'est sûr que c'est 7% c'est... Là, en montant, là, tu sais, puis il y a des triples IPA aussi, mais des doubles, là, comme la nouvelle, j'ai hâte de l'essayer, la nouvelle Messorem, La fin du monde, là. La fin du monde de Unibrew. Unibrew a eu une petite bonne idée de faire pour l'anniversaire de la fin du monde, de caler 4 brasseries pour refaire un take sur la fin du monde. Puis, je me rappelle plus c'est quoi les 3 autres brasseries. Anyway, ça va tout être annoncé, ça. Mais Messorem sont les premiers à avoir sorti la leur. Puis ils ont fait une double IPA. Aucun fucking lien avec la triple belge qu'est la fin du monde, là, en passant, ce qui est très étrange. Mais en tout cas, fait que j'en ai acheté. Puis j'ai bien honte. Puis c'est une double IPA à 9%. Fait que ça va torcher. Là. Ouais. Donc, c'est pas pour tout le temps. J'en prends spécial. Exact. J'en prends une pour commencer. Puis après, je baisse dans le niveau de pourcentage d'alcool. Là. Mais il n'y a pas de préférence pour moi. Là. Des fois, c'est un, des fois, c'est l'autre. Là. Dépend du mood. Nick Lachapelle, encore une fois, nous amène un top. Top 5 des accessoires de consoles de jeux inutiles, mais que vous aimez. Exemple, Power Glove, Rob, lunettes, 3DS, SMS. Je sais pas ce que c'est. SNES, Super Scope, Wii Balance Board. On en parle. Les inutiles, le plus hot inutile, c'est le Power Glove, là, selon moi. Ouais. Et Rob aussi. Rob, mais... j'aime beaucoup le bibelot Rob. Moi, j'en ai un chez nous. Je pense que tout le monde veut un bibelot Rob. Si j'en voudrais un. Là. Power Glove. Ben, j'en avais un, je me suis tanné. Là. Je l'ai revendu. Je trouve que ça se met moins bien. Ouais, ça s'affiche moins. Ouais, mais Rob et Power Glove sont définitivement les plus populaires. Inutiles, accessoires, tu sais. Je ramasse pas des accessoires. J'ai pas eu le temps. Je n'ai eu des inutiles sur Wii, là, genre des manettes de sport, là, mettons, là, une raquette de tennis. Là, genre, des gogos en plastique. Ouais, qui font juste que tu pètes ton plafond. Là, puis... exact. Mais tu sais, je pourrais dire le zapper, mais je le considère pas, c'est pas inutile. C'est un très bon périphérique. C'est un bon périphérique, en effet. Les 3D Glass de. Ah, c'est ça qu'il dit, 3DS, SM. Les lunettes 3D pour la Sega Master System. Ah, ouais, c'est magnifique, ça. Mais je pense que c'était pas Yaob. Puis je ramène l'affaire de Golf, de Real Golf, je sais pas quoi, avec les deux codes. Sur Xbox OG. Je l'ai pas amené parce qu'il y a trop de stock à soir, mais je vous amène ça bientôt. On va le faire. On va le faire au WEG. C'est qu'on a des plans de WEG, on va rien de ça. On va rien faire de tout ce qu'on dit depuis 4 épisodes qu'on va faire au WEG. Ouais. Guillaume Roy, quel est le jeu rétro d'une adaptation de film ou de série télé que vous avez préféré? Alien 3 au Super NES, je le mentionne quand même souvent, je trouve que c'est quand même bien pour un jeu de Acclaim. C'est très dans le look Batman Forever, Mortal Kombat, là. Puis ça marche bien, son track de feu. On se tanne un peu à longue, là, mais très très correct jeu. Là. J'oserais même dire un hidden gem. Oh. Un petit gem là, quand même. Ben, Fred est dans le chat, on n'a pas le choix de dire Scott Pilgrim, peut-être. t'sais, en tout cas, le nouveau qui s'en vient, ben, hâte de voir ça. La suite de Groundhog Day en VR, ça avait été bon, ça. Oui, c'est vrai. Genre que personne n'a demandé. Le jour de la marmotte, 2 en VR. Like Father, Like Son. Son fils qui se perd dans une boucle temporelle aussi. Là. Ouais. C'était bon, là. Genre, c'était un je me rappelle de cette critique-là, c'était très intéressant. Bon, ben écoute, ça voilà. sera nos choix. Jim Gendron, salut Papa Cassette. Je voulais savoir, as-tu décidé de vendre ta collection Wii finalement? C'est drôle, je l'ai mentionné tantôt. Et oui, j'ai vendu ma collection Wii. J'ai gardé ma console, par contre, parce que mes enfants sont encore rattachés à deux, trois petits jeux. Mon gars, des fois, avec ses chummies, joue à NHL Slapshot. Ah, okay, cool. J'ai même des bâtons ici là, qui sont rentrés, amenés dans des lots. J'ai amené ça chez nous. Puis j'ai gardé deux, trois jeux de Wii qui me parlent, comme Kirby et Pic Yarn, j'aimerais bien, moi, qu'ils le refassent sur Switch ben oui. à 100$. Je l'achèterais. Débarrasse jamais ça, je l'achèterais. Exact. Moi, je garde ça, ce jeu-là. J'ai joué avec mon fils quand il était petit, puis tout ça. Puis lui, il garde Carnival Games, Cars 2. C'est ses jeux d'enfance, puis j'ai pas le droit de m'en débarrasser. C'est correct. Fait que je garde ça. Sa collection à lui, ça. Exact. Julien Bernacchi, lui-même. Est-ce que je vais comprendre Mario 64 si j'ai pas joué du 4 au 63? D'ailleurs, j'ai encore Papy Julien sur ma liste d'affaires à faire. Là. Oui, c'est vrai. Ça va être fait. Là. C'est manque de temps. Pas manque d'intérêt, manque de temps. Là. Exact. Cool Pook, cool 179 Pook. Qui vient d'arriver alors qu'on finit bientôt. Bonsoir. Tantôt, il y avait aussi Chaman Laval ou Laval de Chaman. Le ça Chaman fait de Laval. Le ouais. Chaman de Laval. Que, il me semble que j'avais jamais vu ce nom-là avant qui a commenté. Alors, je voulais le souligner. Merci d'être là. Très apprécié. Mathieu Blache, comment voyez-vous l'avenue d'Ubi Games dans le marché du rétro? Ben, je n'ai parlé. Benjamin Gazaille. Bonsoir, messieurs. Quelle est la meilleure bière pour accompagner une session de jeu? Croyez-vous qu'on devrait créer... Oh là, il triche. Plein de questions dans la question. Qu'on devrait créer des accords... Ah non! Des accords bière. Bière, style de jeu? Style, un RPG deep. Ça prend c'est un stout. Day, ça prend une stout. Il faut dire un, mais on peut dire une. Ah. C'est comme... Mais bon. Mais un party game fit très bien avec une IPA session. Ben, déjà, il y a des idées. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, la page Facebook, le Club Vidé Houblon, est une page qui est basée sur juste prendre des photos de jeu avec de la bière. Attends, j'ai pas vu, c'est encore actif, ça? Ben, j'avais créé avec Eric Hébert il y a tellement longtemps, puis je dois dire qu'on a créé des pages, des groupes? Ah, vraiment. Mais maintenant, je mets mes photos de bière puis de jeu plus ma page Papa Cassette. J'ai délaissé le groupe, là, quand même, mais il est encore là, si vous voulez. Puis des fois, de temps en temps, il y a quelqu'un qui poste. Ça se crée, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Des RPG, tu sais, là, tu prends un petit stout, là, ouais, ouais, un 10%, un porter, là. Double IPA, de quoi de fort, mais de long, là, de quoi qu'il se déguste longtemps, tu sais. Puis oui, des bières comme des sessions IPA moins fortes ou des Coors Light pour pas péter ton focus. Julien Bernacchi, encore. Quel est votre jeu préféré du Virtual Boy? C'est moi. Hein? Il y en a qui répondent. Kevin Doré Poudrier répond Galactic Attack. Marc-André Nadeau répond Mario Tennis. J'ai pas beaucoup joué, très peu joué à des jeux. De Galactic si Attack est un shmup, c'était correct. Galactic Pinball. Pinball, je l'ai pas essayé. Je l'ai pas joué beaucoup Jack non plus. Jack Bros, qui est le jeu le plus cher de la console, je l'ai pas essayé. C'est un spin-off, ça. De... Il me semble que j'avais joué à Mario Tennis la très peu de fois que j'ai joué avec avec cette console. Là. Ouais. Space Invaders Collection, je me souvenais pas de ça. Ah, c'est japonais, peut-être seulement. Japonais. Vertical Force est un shmup aussi. Waterworld, je serais curieux d'essayer ça. Il n'y avait pas un Mario là-dessus? Clash. Mario Clash, exact. C'était intéressant, ça. Ouais, ouais. La profondeur, là, j'avais trouvé ça pas pire. Mais fait que moi, je répondrais alors Mario Clash. Ça va être ça aussi. Puis ce qu'il y a de le fun, c'est le Nestor's Funky Balling. Nestor, c'est un personnage qu'il y avait dans des comic strips. Vous le reconnaissez peut-être, du Nintendo Power. Donc, dans le Nintendo Power, il y avait le personnage Nestor qui parlait. Et puis, là, ils ont fait. C'est le seul jeu qui est dedans. Chris, il pourrait prendre Nestor et faire une vraie série avec. Là, ça serait intéressant. Ben oui. Cool Pook, justement, dans le chat, qui nous demande si on va acheter le nouveau Virtual Boy. T'as vu ça? Je l'ai vu, mais je l'ai vu très brièvement, puis je l'ai oublié après ça, mais j'aimerais ça l'avoir, mais je pense pas que je vais dropper d'argent là-dessus. Là. Non, moi non plus. Je mettrais pas une crise de scène là-dessus, mais je trouve ça tellement awesome j'aimerais ça le voir que Nintendo mette du love de même pour une affaire si mal aimée et non payante. C'est comme bravo. Je regarde là de combien... OK, il reste pas beaucoup de questions. On va essayer d'y aller vite, même s'il y en a qui ont de l'air longue. Sébastien Trottier, vous devez vendre tous vos jeux sauf un seul que vous pouvez garder. Ce serait lequel? Ouf. Ben là, lui, il veut dire pour le fun, le plaisir, hein, parce que pas pour la valeur de la collection. Non, non, il veut dire quelque chose. Il te reste un jeu à jouer pour le reste de tes jours, c'est lequel? Ouais, ça serait comme un peu ça, là, tu sais. Sean Palmer Pro Snowboard au PS2. Ah ouais, hein. Ouais, ok. C'est mon go-to, ça, là. C'est mon Tony Hawk à moi. Ouais, hein. Ben écoute. Tu sais, il y aurait sûrement des... Mais il y en a plein, là. Je pourrais dire... Je pourrais stratégiquement dire un... Je sais-tu, moi... Hollow Knight, parce que c'est long, c'est un RPG. Puis je pourrais le... Pas un RPG, mais un truc de... Mais ça serait Castlevania au NES. Complet en boîte. J'aurais juste ça sur ma tablette, une boîte Castlevania 1. Je joue beaucoup à Castlevania. Nestor Bowling, hein, on est... JC Goyette. Bonsoir, messieurs. Avec l'Halloween qui approche... Quelles seraient vos idées de décoration en lien avec les jeux vidéo? Bol. Disons que vous décidez de décorer Retro MTL pour l'occasion. Qu'accrochez-vous aux fenêtres, aux portes, un peu partout? Merci encore pour votre bon travail. Lâchez pas. Ben, des bouts, là, des fantômes de Mario des partout. Des partout. Juste des bouts partout. Bouts, bouts, bouts. Sur bouts. Bouts. Ben oui. Puis j'aime beaucoup aussi le Game Over Screen au NES de Friday the 13. Ah, où ouais. Est-ce que ça dit « You and all your friends are dead ». Je mettrais ça sur le mur. Je t'apporte d'entrée. En fucking gros. T'sais, ça serait des affaires de même, là, de NES là, sur le mur. Là, t'sais. Ça serait malade. Barbu de Ville. « Salut papa, salut JF. Est-ce que tu as finalement joué à Retro Wrestling ?» C'est pas ça le nom, 100%, c'est genre Retro Mania Wrestling. Mais non, j'ai pas joué encore, il est sur ma wishlist de Steam, donc dès qu'il tombe en rabais, je l'achète. Là. On jouera au WEG? Ben oui, un autre affaire qu'on fera pas. Exact. Non, faut prendre café banane, électrolyte. Et jeu de whatever. Là. Ah ouais, on va tout faire ça. Ça va se faire. Connaissant votre... Kevin Doré Poudrier, connaissant votre amour pour Punch-Out, pas tant que ça, mais oui, OK. Et sachant que vous êtes... Que vous... Et le show n'est pas très manga. Ah oui, il y a tout le temps des questions manga. Il y a beaucoup de manga, Avez-vous testé Baki Anma Blood Arena, tiré du très bon manga animé Baki? Un très bon jeu d'une licence pour une fois. PS, il y a une démo sur Switch. Comment ça s'écrit, il Baki? Il me semble, ouais. Baki, B-A-K-I, espace Hanma, H-A-N-M-A. Il me semble qu'on a déjà regardé du gameplay d'une affaire qui ressemblait à Punch-Out sur le show. Puis c'est peut-être ça que la personne parle. C'est Blood Arena, celui qui dit? Ah, Blood Arena, ouais. C'est tout le même. C'est pas deux affaires, ça, là. C'est ça, le titre au complet. Hein. C'est sur Steam, là, ici, là, mais ouais. Ouais. Oui. On a déjà regardé ça. Il y a du monde qui nous ont aiguillé sur cette affaire-là. C'est vraiment un punch-out. Ah, oui. Ouais. Ça me dit quelque chose, ouais. C'est Punch-Out, là. Ah, oui. C'est ça, Frank, dans le chat, qui dit qu'on est plus du genre Lady in Wadding. C'est quoi ça, donc, Lady in Wadding? C'est pas toi qui a présenté ça l'autre fois, genre le jeu de sexe, là, qu'il faut que t'ailles à l'autre bout pour fourrer, là. Ah oui, c'est le jeu Atari, Lady in Wadding. En effet. On est plus ça, nous autres. Mais oui. C'est intéressant, par contre, Kevin, Ouais, puis c'est très beau, j'aime bien le look, c'est cool, ouais. Ouais, c'est intéressant, j'aime bien ça. Mostly positive, les reviews, ça vient de sortir 11 septembre. Ah ouais, hein? Très cool, ça. Très cool, à suivre. Merci pour l'aiguillage. Ouais. Jonathan Ayotte, j'aimerais savoir quand est-ce que Nick Lachapelle va intégrer le podcast, qu'on puisse lui poser ses questions en retour. Il va venir juste faire des tops. C'est, je sais pas, hein, si jamais il veut venir, il nous le dira. Ouais, il est tellement occupé. Beaucoup de balles à frapper. Beaucoup de balles à frapper, de double IPA à siroter. De polo à repasser. De chemise à aller chercher chez le nettoyeur. Faut que son tapis de bain Lacoste aussi sèche un peu, là, c'est avant qu'il vienne. Là, ici, c'est... Dernière question de la soirée. Salut les gars. Voici mes questions. Bon. Asti. JF, joues-tu à des jeux de PS5 ces temps-ci? Non. Asti, à mon grand désarroi. J'ai pas le temps. Pas le temps, hein? Non. Bon. Maintenant, le VR, les jeux d'ordi, les jeux d'arcade, la Playdate, il y a beaucoup de stock à jouer et pas beaucoup de temps de mon côté. Exact. Mais après, en poussière, ça m'écœure. Je joue avec OWEG ou pas. Je vais la mettre, m'en bloguer avec 4 autres PS4, un petit meuble, puis je ne jouerai pas avec. Là. Exact. Un gros paquet de consoles qu'on ne joue pas avec. Ça fait des tout milliers le temps, de dollars. Ça fait des belles natures mortes quand on marche dans ces chalets. Des milliers de dollars et on joue à Atari. Exact. Question pour moi. Quelle est, selon moi, la plus belle acquisition sur Switch 1 ou 2? Une acquisition que j'ai pour ma collection? À toi, probablement, je m'en... C'est une bonne question. C'est pas... Parce que j'ai pas tant chassé ces jeux-là. Je les achète pour y jouer, tu sais. Mais j'ai pas tant wow, tu sais, yeah, enfin ça wow, dans ma collection comme un affaire d'époque, tu sais. Fait que, mais j'ai une couple de jeux scellés, là. Je parlais de Fox and Forest tantôt, mais tu sais, c'est pas un malade là, comme jeu. Il y a un schmuck qui s'appelle Staring Dead, là, Den Machin. Ah là, ouais, c'était. Ouais, on a peut-être déjà parlé même ici. C'est quelque chose de non, ouais. Je l'ai scellé, tu sais, ça vaut cher. Okay. Mais sur Switch, je suis content d'avoir mes 5 Shantae scellés. Complet. Ah, c'est cool, ça. D'ailleurs, si j'ai chanté 3 Pirate's Curse, c'est parce que Fred me l'a pogné dans un game convention un moment donné qui est allé. OK. Et puis, tu sais, il m'a dit, hey les gars, il y a ça à cette table-là, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai comme, OK. Ben, je commençais dans Switch, puis je l'avais déjà joué sur 3DS. Je suis comme, bah, pas que moi chanté, là, tu sais. Finalement, c'est un bon move. Ça vaut super cher à ce temps. Puis je l'ai jamais déballé parce que j'avais déjà joué. Fait que là, je l'ai mis dans le slipcover avec les autres. Puis j'ai ma série complète de chanté dans. C'était tellement pas cher que Fred ait dit en plus. Non, c'est ça. C'était complètement un petit bon move, là, random, là, tu sais. Fait que c'est ça. Et pour finir, au risque de me répéter et de poser encore la même question que plusieurs, pouvons-nous espérer un spécial Noël cette année, genre rétro nouveau, avec Bruno, Nick et Fred? Ça serait malade. Ça pourrait être drôle. On pourrait, faudrait voir, là. Faudrait en parler, mais faudrait surtout le préparer. Ouais, puis là, ça c'est un autre dossier. Ça peut pas être un gala. Bon, c'est pas de mon ça serait pas un hostie gros gala. Moi, je peux pas faire des genres de top de mes jeux de l'année. Je n'ai pas joué assez pour faire des tops, là, encore cette année. Fait. Ouais, faudrait repenser à la formule, là. Peut-être. Mais on nous le demande souvent, donc on regarde toujours ça un peu sur le site, là. Exact. Mais on dit pas oui, mais on dit pas complètement non, mais il faudrait le préparer. Manger une dinde live. Ouais, ça pourrait être rien que ça. Oh, on fait un souper genre de temps des fêtes avec des patates. Avec du vin, tu sais, puis de la sauce, là. 4 services, puis un trou normand à 9h30. Là. Des fromages pour dessert. Des raisins, on s'étouffe, là. Oh my God. Blastman, ouais. Il dit pas besoin de rien préparer. Aller jouer dans la neige à l'Avalanche. En fait, ça. Ah, c'est drôle, wow. Ça. Ça, c'est un beau inside joke, ça. Malade. Bravo. Malade. C'est... Voilà, on va aller en conclusion. On s'en va en conclusion. Ah, non! J'ai mis mute. Trop des gros doigts de pogo. Des gros doigts de pogo. Bon, ben, écoutons, il est quand même passé 10 heures, mais c'est tout le temps passé 10 heures, mais il est 10h20, c'est pas si pire. Réparer le raid aussi. C'est vrai, faut raider quelque on chose. On va aller raider Young Media qui roule les archives. Exact, parce que personne nous a dit quoi raider, alors on va raider nos propres archives, alors allez écouter tout ça. Ouais, on va continuer à nous entendre. Puis le bout bref à SSS Frank aujourd'hui, c'est quand j'ai dit à JF, pour l'instant, ton projet avec les animaux, c'est pas mal des ramassés morts dans ta piscine. C'est vrai que c'est un bon gag. Ouais, c'était voilà. Bien. Merci SSS Frank pour ton partage de ton bout préféré. On aime toujours ça, les bouts préférés. Il faudrait faire un meilleur moment, un montage à la fin de l'année. Juste SSS Frank, les meilleurs moments. Sur un B-side de quelque chose. Top 10 des meilleurs moments, genre. Puis il n'y a rien qui c'est du gaming, c'est juste des conneries. Là. Ah ouais. Mais ça devient du lore, ouais, là, que SSS Frank ça, et il donne son meilleur. C'est son meilleur, moi, j'adore ça. C'est le fun quand les auditeurs créent du lore dans le show, là, tu sais, c'est... Ah, Rage sérieux, ben oui. Ah, jeux sérieux, sont-tu live? Ben oui, ils sont live, ils font leur... C'est en un mot, pas au pluriel. Comment il faut l'écrire sous l'or 23? Sérieux. On va les raider certains, là. Je vais aller voir sur Twitch juste pour être sûr, là. Ouais, c'est ça, pour pas raider dans le vide, là. Regardez ça. Ben, écoutez, pendant ce temps-là, on va remercier tout le monde encore une fois d'être présent et si actif dans le chat. C'est juste sérieux de même, ouais. Parfait. Raid-nous ça. On va envoyer du monde là. Merci à tout le monde d'avoir été actif et si le fun pour jaser. Merci à nos Patreons qui permettent des beaux écouteurs et continuent à maintenir. Il y en a qui quittent, il y en a qui arrivent. C'est la vie, c'est parfait. On se maintient là à 3 000$ par mois. Ça paye nos Ferrari. Puis, exact, nos Mercedes, nos capes de roue volées. Notre poudre, tout. Nos électrolytes à base de sirop d'érable. Là. À donner par Max Talbot. On baigne dans les hautes sphères en ce moment. Là. Exact, totalement. Et puis le Canadien a sûrement gagné en plus. On espère ça. Alors, merci à tous. Puis, on se revoit dans 2 semaines. Yes. Bye tout le monde. Ciao.